haben heute viele Dinge, die wir abdecken möchten. Amen. Because of our translation, it's as if we are going little by little, but it's okay, so that everybody can enjoy it. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, on Wednesday, please, you can also record it. It's already on. Yeah. Oh, thank you. Praise the Lord. Hallelujah. You know, on Wednesday, we talked about a lot about let all go. Let everything go. Am Mittwoch haben wir viel darüber gesprochen, dass wir alles loslassen sollen für Christus. Mercredi, on a parlé, la prédication était, le sujet de la prédication était de tout laisser, de tout lâcher. Et de remettre tout à Jésus-Christ. Let everything go. Wir sollen alles loslassen für Jesus Christus. On doit tout lâcher pour Jésus-Christ. Don't keep anything. Wir sollen nichts für uns behalten. On doit rien garder pour nous. Give everything to Christ. Wir sollen alles Jesus Christus übergeben. Amen. On doit donner tout à Jésus-Christ. Submit everything to Christ. Wir sollen alles Jesus Christus übergeben, überlassen. On doit tout soumettre à Jésus-Christ. You submit them to Christ, your family, your friends. You know, you submit them to Christ by choosing Christ. Wir übergeben alles Jesus Christus, wir übergeben unsere Familie Jesus Christus, indem wir Jesus Christus wählen. Donc on remet nos familles, nos amis à Jésus-Christ, parce que nous, on suit seulement Jésus-Christ, on se décide pour Jésus-Christ. Refusing to choose Christ, you refuse to submit them to Christ. Wenn wir uns weigern, Jesus Christus zu wählen, heißt das, wir uns weigern, Christus diesen Leuten zu übergeben. Parce que si on rejette Jésus-Christ, on choisit pas Jésus-Christ, ça veut dire qu'on on donne pas la possibilité à ces gens à venir vers Jésus-Christ. Let your value, your motive, your desire, your interest, your choice be Christ. Amen. Unser Wert, unser Interesse, unsere Wahl soll alles von Jesus Christus sein, unser Motiv soll von Christus sein. Donc nos choix, nos désirs, nos valeurs, on doit tout ça, on doit être retrouvé en Jésus-Christ, on n'a pas cherché ailleurs. Allow your body to be of Christ, to be Christ Jesus. Unser Körper soll Jesus Christus sein. Ton corps doit être Jésus-Christ. That your body is no longer the old body. Denn unser Körper ist nicht mehr der alte Körper, amen. Parce que une fois venu vers Jésus-Christ, ton corps n'est plus le même. Coming to Christ, you have another everything. Wenn wir zu Christus kommen, ist alles neu. Amen. Parce que quand on vient vers Jésus-Christ, tout ce qui nous appartenait est changé, est transformé. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. He said, if any man be in Christ. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 17. Verset 17. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 17. 2 Korinther 5, Vers 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. He said, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Amen. All things pass away. Behold, all things have become new. All, not some. Alles ist neu. Nicht nur einiges, sondern auch unser und das auch unser Körper. Amen. Unser Körper ist der Besitz des Herrn. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues. Donc tout est renouvelé, tout est de nouveau. Whatever you refuse to let go, Satan knows exactly what it is, and he will use it against you. He will use it to fight you. Der Satan weiß, was wir nicht loslassen können, und er wird es nutzen, um uns zu bekämpfen. Le diable sait que ce qu'on veut pas lâcher, et ça, il va utiliser pour nous détruire, pour nous combattre. Don't give him a weapon to fight you. Gib ihm keine Waffen, um dich zu bekämpfen. Ne donne pas au diable les armes avec lesquelles il peut te combattre. Whatever you refuse to let go will become a weapon for Satan to use to take you. Was immer wir nicht loslassen können, wird zu einer Waffe des Satans, womit er uns dann vom Herrn wegnehmen kann. Parce que tout ce qu'on veut pas lâcher, le diable va l'utiliser pour nous écarter de Dieu. We read on Wednesday that Abraham left all. Wir haben am Mittwoch gelesen, dass Abraham alles hinterlassen hat, verlassen hat. On a lu mercredi que Abraham avait tout laissé et il a même pas, il pensait même plus And Moses also left all. Und Mose hat auch alles verlassen. Moïse aussi a tout quitté. No, if you also look at the life of Joseph, Joseph left all. Und auch Josef hat alles verlassen. Tout comme Joseph aussi a tout laissé. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. If you go to Genesis 39. Genèse 39, sorry. Also gut, wir werden zu 1. Mose 39 gehen. Let us go there. Let us quickly look at some few chapters before we go to our message. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Genesis. 1. Mose. Genèse. Genesis 39. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Papa talked about God's children, that we don't know our identity. It is true. Papa hat eben look at the life of Joseph here, dass Kinder Gottes ihre Identität nicht kennen. Und das ist stimmt, wenn wir uns hier das Leben von Joseph anschauen. Papa tout à l'heure a dit que la plupart des enfants de Dieu ne connaissent pas leur identité et c'est vrai. Et on va voir un exemple ici dans l'histoire de Joseph. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. And if you read it, let us quickly read from verse 1. And Joseph was brought down to Egypt. Versailles. And Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hand of Ishmaelites, which had brought him down thither. Praise the Lord. Hallelujah. Here Joseph was sold as a slave. Joseph wurde als Sklave verkauft. Joseph a été vendu comme esclave. Amen. Amen. And in verse 2, and the Lord was with Joseph. The Lord was with the slave and not with the master. Und der Herr war mit Joseph. Der Herr war bei dem Sklaven, nicht bei dem Meister. On peut voir que Dieu était avec l'esclave et pas avec le maître. You know, Potiphar was his master. Potiphar war sein Meister. Potiphar était son maître. Potiphar was the one that bought Joseph. Potiphar war derjenige, der ihn gekauft hat. C'est lui qui avait acheté Joseph. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. I thank the Lord that, you know, Joseph, he knew his identity. Ich bin froh, dass Joseph seine Identität kannte. Mais je remercie Dieu parce que Joseph connaissait son identité. If you know your identity, no one can intimidate you. Amen. Wenn du deine Identität kennst, wird dich niemand einschüchtern. Genau, amen. Wird dich niemand einschüchtern können. Okay. Parce que si tu connais ta vraie identité, il y a personne qui pourra t'intimider. You know, if you know your identity, you know you will not be hiding from your old school people or friends. You don't want to see them. You know, you want to see them so that you give them Christ. Amen. Because he is your identity. Amen. Wenn du deine Identität kennst, wirst du dich nicht vor deinen alten Klassenkameraden verstecken. Our friends. Oder alten Freunden verstecken, weil du Angst hast, ihnen zu sagen, dass du es immer noch nicht gepackt hast oder dass du immer noch nicht das geworden bist, was du wolltest. Du wirst sogar wollen, dass du sie triffst, damit du ihnen Jesus Christus geben kannst. Donc si tu connais vraiment ton identité, tu vas pas te cacher devant tes anciennes amis ou bien tes anciennes connaissances. Tu seras fier de présenter ta nouvelle identité, qui est Jésus Christ. You have what they have, but they don't have what you have. I don't know if you get it. Du hast was sie haben, aber sie haben nicht das, was du hast. Amen. Okay. Donc, toi, tu possèdes ceux qui possèdent, mais eux, ils ne possèdent pas ceux que toi, tu possèdes parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. If you look at Joseph here, Joseph, he said, and the Lord was with Joseph. Amen. Amen. You know, Potiphar have money to buy him. You know, Joseph have money, and he have the Lord. But Potiphar have money, but the Lord does not. You know, you have what they have, whatever they believe. That very thing they are calling victory, you have it. It's in Christ Jesus. Amen. Diesen Sieg, den sie vermeintlich haben, den hast du in Christus Jesus schon. Und genauso sehen wir das auch bei Joseph, dass Er war zwar ein Sklave, aber dennoch wusste er, wer er ist. Und deswegen hatte er mehr als das, was der Meister hatte, der ihn kaufen wollte oder den gekauft hat. Malgré que Potiphar a acheté Joseph, Joseph possédait plus que Potiphar. Parce que on voit dans Genèse 39, verset 2, que l'Éternel était avec Joseph et pas avec le maître. He said, and the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. Amen. Can you see that? Mm. Can you see a king that does not know that he is a king? Wir sehen hier einen König, der nicht weiß, dass er ein König ist. On peut voir que on peut voir un roi qui n'était pas conscient qu'il était de son identité, pardon, donc qu'il était un roi. That's what God children they are today everywhere. Und das sind Kinder Gottes überall heutzutage. Et ça, tu peux transférer ça aux enfants de Dieu aujourd'hui. How you getting it? Ils connaissent pas leur identité. And he was, verse 2 again, and the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. Verset and he 2. Was in the house of his master, the Egyptian. Can you see? The Bible did not call the Egyptian the prosperous man, but Joseph. Why? Because of the Lord, because of Christ. Amen. Die Bibel hat nicht den Meister einen wohlhabenden Menschen genannt, sondern Joseph, weil er Christus hat. La Bible n'a pas appelé l'Égyptien un homme qui réussissait ce qu'il entreprenait, mais plutôt Joseph, parce que Joseph avait Jésus-Christ. You know, who is the master? It's not even the master, it's Joseph. Amen. Wer ist hier der Meister? C'est eigentlich Joseph. Parce que là, on peut voir qui est le vrai maître. C'est pas l'Égyptien Potiphar, mais c'est plutôt Joseph. Joseph was in control. Joseph war in Kontrolle, nicht der Meister. Parce que c'est Joseph qui contrôlait la situation et pas le maître. And his master verset 3. The master saw it, that the law was with him, and that the law made all that he did to prosper in his hand. Amen. I don't know who's, you know, God's children. Remember Christ. Remember your daddy. Amen. Als Kinder Gottes müssen wir unseren Vater, unseren wahrhaftigen Vater, uns an ihn erinnern. Amen. Donc, c'est très important de pour un enfant de Dieu de se rappeler toujours de son père, de Dieu lui-même. Praise the Lord. Alléluia. The true you is Christ. Das wahre du bist Christus. Donc, ta vraie identité c'est Jésus-Christ. Remember your father. Erinnere dich an deinen Vater. Rappelle-toi de ton père. He said, "What I have belongs to you." Remember that the prodigal son. Mm-hmm. You know, the son at home was almost jealous of the other one, and his father said, "Don't you know that what belongs to me belongs to you?" Der Herr sagt, das was ich habe gehört dir, und das erinnert uns auch wieder an die Geschichte vom verlorenen Sohn. And that's why we are not jealous of anything. Amen. Rappelez-vous de l'histoire de l'enfant perdu. Dieu dans la Bible nous dit que ce qu'il possède nous appartient. Donc rappelez-vous de votre père. Und der, et de votre identité. Der Bruder des verlorenen Sohnes war eifersüchtig auf die Feier, die sein Vater für seinen Bruder gemacht hat, obwohl er ihn ja so verraten hat. Aber sein Vater hat sich zu ihm umgedreht und gesagt: Weißt du nicht, dass das, was mir gehört, dir gehört? Und so ist es auch in Christus, dass wir wissen sollen, dass das, was dem Herrn gehört, gehört uns. Deswegen gibt es keinen Platz für Eifersucht. Tout comme dans l'histoire de l'enfant perdu, le frère était jaloux de la fête qu'on avait fait pour son frère qui est revenu. Mais le père s'est tourné vers lui et lui a dit que qu'il doit être conscient que tout ce qui appartient au père lui appartient aussi. Donc on n'a pas besoin d'être jaloux d'autres personnes qui réussissent dans la vie. Parce qu'on a déjà la vie en Jésus-Christ, on a déjà notre victoire en lui. You are complete. Wir sind vollkommen, amen. Tu es complet. Praise the Lord. Alléluia. You are complete. Wir sind vollkommen. Tu es complet. No one ever have Christ and lack. Niemand hat Christus und erleidet Mangel. Personne qui a Jésus-Christ en lui est en manque. You know, when he sent the 12, he said, he asked them, when I sent you without nothing, did you lack anything? They said no. Als er die 12 losgeschickt hat, hat er sie gefragt, hat es euch an irgendwas gemangelt, als sie unterwegs waren? Sie haben gesagt nein. Quand il a envoyé les 12 sans quelque chose en main, à leur retour, il leur a demandé, est-ce que vous étiez en manque? Et ils ont répondu non. Stop allowing the outside to control you. Schaff zuzulassen, dass das Äußere dich kontrolliert, deine Freude, deinen Frieden kontrolliert, denn du bist vollkommen mit Christus. Amen. Donc on doit arrêter, on doit cesser de permettre l'extérieur, nos circonstances nous décourager ou alors de détruire notre paix parce qu'on est complet, on a tout en Jésus-Christ. The outside is always, you know, the outside is always a liar. Denn das Äußere ist immer ein Lügner. Amen. Parce que l'extérieur est toujours un menteur. You are never a liar. Wir sind niemals Lügner. Et nous, quand on a Jésus-Christ, on n'est jamais des menteurs. Weißt du, wann du zum Lügner wirst? Est-ce que vous savez quand vous devenez des menteurs? Wenn wir das Äußere sehen. Quand on commence à voir l'extérieur. And take your focus away from Christ Jesus. Und unseren Fokus wegnehmen von Christus sind wir Lügner. You live the life of lies. Et on perd notre concentration envers Jésus-Christ et on voit l'extérieur. Là, tu deviens un menteur. Praise the Lord. L'extérieur c'est pas notre réalité à nous. I don't want to have what others have. Ich will nicht das haben, was andere haben. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Das, was ich habe, ist Christus. Lass zu, dass dein Vater groß genug ist für dich. Moi, je suis pas jalouse d'autres personnes, parce que tout ce que je veux et tout ce que je possède, c'est Jésus-Christ et ça me suffit. Donc, on doit permettre que Dieu soit assez pour nous. You know that people don't know you. They Wisst know ihr, you. Dass Leute dich nicht kennen, aber sie kennen dich. Vous savez que les gens. You tell them, you know, here in verse 3. He said his master knew that something. You get it. Sein Meister wusste, dass hier etwas los war. Le maître savait que quelque chose se passait. Because no one can hide Christ. Denn niemand kann Christus verbergen, amen. Parce que personne peut cacher Jésus-Christ. They might be pretending they don't know they know. Sie tun vielleicht so, als ob sie es nicht sehen, aber sie sehen es, sie kennen dich. Ils peuvent prétendre de ne pas connaître Jésus-Christ, mais en fin fond, ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe en toi, que tu as quelque chose de spécial. You cannot hide light. Du kannst das Licht nicht verbergen. Parce que tu peux pas cacher la lumière. Jesus call you the light of this world. Jesus nennt dich das Licht dieser Welt. Jésus-Christ t'appelle la lumière de ce monde. Praise the Lord. Alléluia. In the life, you know, in the family, you know, if you are the only one that have Christ, you are the only light in that family. Und in einer Familie, einzig bist du Jesus Christus hast, bist du das Licht in dieser Familie. Donc par exemple, si dans ta famille tu es la seule personne qui a Jésus-Christ en lui, ça veut dire que tu es la lumière de cette famille. And Joseph found grace in his sight, verse 4. Verset 4. And he saved him. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And he made him overseer over his house. And all that he had, he put into his hand. Verse 5. And it came to pass. 5. From the time that he had made him overseer in his house. And over all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. Mm. Is somebody getting something here? Mm. If the Lord can bless, just you know, what you have today is greater than what Joseph had. Was wir heute haben in Christus ist größer als das, was Joseph hat. Ce qu'on a aujourd'hui en Jésus Christ est plus grand que ce que Joseph possédait. Praise the Lord. Alléluia. If you go to Matthew 11, Jesus said, the least among you is greater than the prophet. Or the prophet. Zu Matthäus 11 gehen, sagt Jesus Christus über uns, dass der geringste im Königreich Gottes sogar größer ist als der Prophet, als die Propheten, Johannes der Täufer. Praise the Lord. Dans Matthieu 11, Jésus, la Bible nous dit que le plus petit entre vous est plus grand que les prophètes. Praise the Lord. Hallelujah. Know who you are. Know your identity. Wisse, wer du bist. Know yourself. Yourself is Christ. Amen. Are we going there? Gehen wir jetzt hin? Gehen wir hin? Mm-hmm. Okay. Matthew 11. Matthew 11. Matthäus 11. Matthew 11, verset 12. Jesus is the one speaking here. Jesus spricht hier. C'est Jésus qui parle là. He said, from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffered violence, and the violent take it by force. For all the prophets and the law prophesy unto John. And if you will reveal it, this is Elijah, which was for to come. Then in verse 11, look at verse 11. Verse 11. Verily, verily, I say unto you, among them that are born of women, they have not risen a greater than John the Baptist. Notwithstanding, he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. Amen. He said, all the prophets, John is greater than all of them. Er sagt, alle Propheten, Johannes der Täufer ist größer als alle Propheten. Là, Jésus-Christ nous dit que Jean-Baptiste est plus grand que tous les prophètes du passé. You know, John had the opportunity to see Christ. He introduced Christ to the world. Johannes der Täufer hatte die Gelegenheit, Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Und deswegen ist er schon größer, weil er sie gesehen, weil er ihn gesehen hat. Le fait que Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ, ce fait-là le rend plus grand que tous les prophètes. He saw him and introduced him. Er hat ihn gesehen the power of the Holy Spirit. Und vorgestellt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Donc il a vu Jésus-Christ et il a introduit au monde, il a présenté au monde à travers la force du Saint-Esprit. Amen. Amen. He said, notwithstanding, he that is least, the smallest among you, aber the least among you, der geringste unter euch, nothing among you, der nichtige, than John the Baptist himself. Unter euch. Not, it's not talking about the prophet. John is greater than the prophet, and you are greater than John. Amen. Also Johannes der Täufer ist größer als die Propheten und du bist größer als Johannes der Täufer, auch wenn du der kleinste im Königreich bist. On peut voir que tu es. Jean-Baptiste était plus grand que les prophètes, mais toi qui as le Saint-Esprit en lui, qui as Jésus-Christ en lui, tu peux être peut-être le plus petit dans le royaume des cieux, mais ça ne change pas le fait que tu es encore plus grand que Jean-Baptiste. Donc on doit être vraiment conscient de notre identité. You know, if Potiphar's house can be blessed because of Joseph, I don't know where you are, anywhere you go. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Wenn das Haus von Potiphar gesegnet sein kann, because of Joseph, that you are even greater than. Nur wegen Josef. Geschweige denn wir, die wir größer sind als Josef. Was ist dann, was passiert denn bei uns, wenn wir Räume betreten? Amen. Donc, si tu peux voir que l'Égyptien Potiphar a été béni grâce à Joseph, quelle est la bénédiction que toi tu vas recevoir aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu? He said, and the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. You want to say something? Like I said before, Joseph was using that pot money he had. Mm. The portmoney you have, which is the Holy Spirit, if you don't use it, you are like the least, you are the just person. I don't know if you understand what I'm saying. Josef hat sozusagen aus dem ausgeschöpft, was er hat, nämlich Christus. Aber wenn wir das nicht nutzen, dann sind wir sozusagen dieser geringste im Königreich. Donc, praise the Lord. On peut voir que Joseph a utilisé ce qu'il avait, et ça c'était Jésus-Christ, ça c'était le Saint-Esprit. Et si tu le fais pas, tu es quelqu'un de petit. Praise the Lord. Amen. You know, if you cannot use what you have, you remain there. Wenn du nicht nutzen kannst, was du hast, dann wirst du an einem Punkt bleiben. Donc, si tu n'utilises pas ce que tu possèdes, ta situation va pas changer. Tu vas stagner. Tu vas pas évoluer. Somebody can be so close to the well. You can't be the well yourself and die of thirst. Jemand kann so nah an einem Brunnen sein und verdursten, oder jemand kann sogar selbst dieser Brunnen sein und er verdurstet, weil er nicht aus sich selbst heraus schöpft. Mm. Donc tu peux comparer cet exemple à quelqu'un qui est près de d'une fontaine ou d'une source, mais il n'arrive pas à prendre de l'eau de cette source, ou alors pour aller encore plus loin, tu peux être la source toi-même, mais si tu n'as pas Jésus-Christ, si tu n'utilises pas Jésus-Christ qui va être ton verre pour prendre de l'eau avec, tu vas assoiffer. Non, comment on dit? Tu vas manquer d'eau. Ouais. Praise the Lord. You know, one of the reasons why your prayer is different from the new prayer. We don't pray like the old. Deswegen sind auch unser Gebet anders als das Gebet des alten Bündnisses. C'est aussi la raison pour laquelle nos prières aujourd'hui sont pas comparables à celles à les prières de l'ancienne alliance. We will go there later. Amen. Amen. The old, they tell the father to do something. The now, the father is telling you do something. Im alten Bündnis haben die Menschen dem Vater gesagt, dass er für sie was tun soll, dass er für sie wirken soll. Aber im neuen Bündnis sagt der Herr, dass wir im Namen von Jesus Christus tun sollen. You do something. The Lord is waiting for you. Dans l'ancienne alliance, les gens quand ils priaient, ils demandaient à Dieu de faire des choses pour eux. Mais aujourd'hui, c'est Dieu qui nous dit de faire des choses à travers Jésus-Christ. Until you are tired of something, that very thing will not leave. Erst wenn du eine Sache satt hast, wird die Sache aufhören, sonst wird sie weitergehen. C'est seulement quand tu as ras-le-bol ou quand tu as assez d'une situation, là tu pourras changer ta situation. Mais si ici ce n'est pas le cas, tu vas demeurer dans cette situation. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. And John and the blessing of the Lord was upon all that he had in the house and in the field because of Joseph. Wieder zurück zu 1. Mose 39. Donc on retourne vers à Genèse 39. Verset 5 on a lu. Donc à partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Sa bénédiction reposait sur tout ce qu'il possédait, dans sa maison comme au champ. And he left all that he had in Joseph's hand. Six. And he knew Six. Not Sorry. All he had, save the bread which he did eat. And Joseph was a goodly person and well favored. That favor, you know, favor is grace. Die Gunst ist Gnade. Donc, la faveur et la grâce. None of God's children is not favored. Alle Kinder Gottes sind begünstigt. Chaque enfant de Dieu est sous la grâce et... You know, if you... Sous la faveur de Dieu, ouais. You know, Mary was favored. Thou art highly favored. You remember when that angel Gabriel came with that news, the information minister came. He said, "Thou art highly favored." Amen. Als Engel Gabriel zu Maria kam, hat er gesagt, dass sie begünstigt ist, weil der Herr sie auserwählt hat, um dieses Kind auszutragen, den Sohn zu geben. Quand l'ange Gabriel est venu vers Marie, il lui a dit que qu'elle était sous la faveur de Dieu parce qu'elle a été choisie à mettre au monde le fils promis, l'enfant prodigue. You know, the old favor come and go, but now it remains. Im Alten ist diese Gunst gekommen und gegangen, aber jetzt bleibt sie in uns. Dans l'ancienne alliance, cette faveur de Dieu, elle venait, elle repartait, mais aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, elle reste ici permanente. Elle est permanente. Vers 7. Verset 7. 1 Mose 39. Amen. And it came to pass, after these things, that his master's wife cast her eyes upon Joseph. And she said, lie with me. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, if you are highly favored, that does not mean temptation will not come. Wenn du Gunst des Herrn hast, heißt das nicht, dass die Versuchung nicht kommt. Juste parce que tu es favorisé, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tentation. Parce que dans le verset 7, on peut voir que la femme de Potiphar a voulu coucher avec Joseph. There are different things that try God's children. Es gibt verschiedene Dinge, die Kinder Gottes versuchen. La tentation peut venir de manière différente. Satan is going to try you. Der Teufel wird dich versuchen. Le diable va te tenter. Amen. He's going to tempt you. Er wird dich versuchen. And you know what the Lord revealed to you is going to try you. Und das, was der Herr dir offenbart, wird dich auch versuchen. Tout comme les révélations que tu vas recevoir de Dieu, ceux-là aussi vont te tenter, vont te défier. The truth itself is going to try you. Do you believe in me, in spite of what you see? Diese Wahrheit selbst wird dich sogar versuchen. Wirst du mir glauben, unabhängig von den Dingen, die du siehst? Donc la vérité de Jésus-Christ elle-même va te défier, parce que tu vas connaître la vérité de Dieu, mais l'extérieur, ce que tu vois avec tes yeux charnels, vont te dire quelque chose d'autre. Et maintenant, c'est là le défi. Est-ce que tu vas croire à la vérité que Dieu t'a révélée ou alors aux circonstances de l'extérieur? Did you know Sam? Sam said, the book of Sam, he said, until Joseph had the victory, the manifestation of the victory, he said, the word of God tried Joseph. What the Lord revealed to Joseph tried Joseph. Whatever he revealed to you, he's going to try you. In Psalm lesen wir auch, dass, dass Josef wurde von dem versucht, was der Herr ihm als kleinen Jungen offenbart hat. Was immer der Herr dir offenbart, wird dich versuchen. Dans Psaume, on peut voir, il est écrit que la révélation que Joseph a reçue en tant qu'enfant, jusqu'au jour de cette manifestation, il a toujours été tenté, il a toujours été défié par cette vérité. Parce que ce n'est pas facile de croire à une révélation qui s'est pas encore manifesté physiquement. Psalm 37 is where the Lord, you know, the word of the Lord was revealed to Joseph. If you go there, you can read it at home. Yeah. Okay. Read it as your homework. Amen. In Psalm 37 können wir das Psalm lesen, 37. Josef diese Prophezeiung, dieses Versprechen vom Herrn bekommen hat. Das ist unsere Hausaufgabe. Psalm 37, c'est là où on peut voir quand Dieu a fait la promesse à Joseph. Vous pouvez lire ça à la maison, comme c'est votre devoir d'aujourd'hui. Praise the Lord. Hallelujah. Now lie with me. Amen. The master's wife. You know, Joseph have nothing to lose here. Because he's a slave. So the master's wife is saying, lie with me. So, you know, he can cooperate with him if, you know, those of you that does not want to wait upon the Lord. Okay. You know, the evil way is so short. Die Frau des Meisters sagt hier, lege dich zu mir. Und Josef war ein Sklave zu der Zeit und er hätte eigentlich nichts verlieren können, wäre er auf dieses Angebot eingegangen. Und einige von uns hätten diese Gelegenheit am Schopf gegriffen, hätten gesagt, ich mache das einfach, weil tiefer als Sklave kann ich eh nicht fallen, ich mache es einfach. Und genauso kommt der Teufel auch zu uns. Amen. Okay. Donc, dans Genèse 39, verset 7, on peut voir que la femme de Potiphar dit à Joseph de coucher avec elle. Normalement, l'esclave doit respecter la volonté de son maître, mais Joseph ne l'a pas fait parce qu'il connaissait son identité, parce que certains d'entre nous, sûrement aujourd'hui, n'auraient pas hésité. Mais Joseph a pu résister parce qu'il a toujours vu Dieu et il a toujours cru à la promesse que Dieu lui avait donnée. You know, I thank God for Joseph. His eyes were, you know, he did not allow his eyes to be on that dream. Mm. Mm. If you pursued, if he had pursued the dream, he would do it. Yeah. Und ich danke Gott auch für Josef, weil wäre er hinter dem Traum her gewesen, dann hätte er diese Gelegenheit genutzt, weil er gedacht hätte, das ist sein Sprungbrett in diese Erfüllung, in diesen Willen. Mm. Mais, je remercie aussi Dieu parce que Joseph n'était pas concentré sur son rêve, parce que il aurait pu voir cette occasion là comme opportunité de réaliser son rêve, la promesse de Dieu. Mais il a cru et il savait que Dieu avait un autre chemin pour lui. I don't know. Is somebody getting it? Yeah. If you know whom you are, you won't do it, no matter. Because you can differentiate the way you do it on your own and the way your own God, Jehovah, will do it. Amen. He was able to know the difference. The difference. Mm. You will know the difference. Yeah. Wenn du weißt, wer du bist, dann wirst du es auch nicht tun. Ja. Wenn du nämlich weißt, dass es eine Art und Weise gibt, es auf der Welt zu tun und du nicht und du weißt, dass du nicht zur Welt gehörst, wirst du es nicht so tun. Aber wenn du weißt, dass du zum Herrn gehörst, wirst du es so tun, wie der Herr es tut. There's something I want to add to it. Can you quickly? Oh. Papa nous a rappelé que si tu connais ton, ton identité et si tu, tu vas pouvoir différencier entre un chemin que tu prends par tes propres moyens ou alors un chemin que Dieu lui-même a choisi pour toi, le Dieu qui est en toi. Parce que tu n'es pas juste. Parce que tu vas comprendre, tu vas voir que tu n'es pas de ce monde et ton, ton chemin va être automatiquement surnaturel et pas facile comme, comme le monde. Ça ne sera pas le choix de ce monde. And to add to it, we always say it, will Christ, if you ask yourself, what am I going to do now? Will Christ do this? If you ask, it's a big question. Ask yourself first, will Christ do it? Donc on a toujours se poser la question. Quand, avant de prendre une décision, alors avant de faire quelque chose, se poser la question, est-ce que Jésus-Christ lui-même agirait de la même manière que je le fais maintenant? Und genauso müssen wir uns halt fragen, dass das, was ich jetzt tun will, würde das Christus auch tun? Praise the Lord. Halleluja. Ja, ich wollte nur was hinzufügen. Ich finde es auch krass, dass Josef, ihm war seine Beziehung mit Christus wichtiger als das Versprechen, was auch von Christus kam. Weil es ist oft so, dass Kinder Gottes, sobald etwas von Christus kommt, ein Versprechen, die mixen das zusammen. Und dann verfolgst du auch nur noch dieses Versprechen, weil es ja von Gott kommt. Aber er hat gesagt, mir ist es wichtiger, eine Beziehung mit Christus zu haben, selbst wenn ich ein Sklave bin für immer, als ein Versprechen, was halt auch von Christus kommt, was ja auch gut ist, als das zu haben. Und ich finde das krass, dass einem wichtiger ist, einfach mit Christus zu sein, als die Dinge zu bekommen, die Christus für einen möchte. Weil man das oft halt nicht so trennt voneinander. Donc Jennifer a dit que c'est remarquable et que Joseph a plutôt valorisé sa relation avec Jésus-Christ au lieu de chercher à voir la promesse que Jésus-Christ lui a donnée. Parce que souvent aujourd'hui, si Dieu nous promet quelque chose, par exemple, on va être concentré sur cette promesse au lieu de continuer à avoir une relation avec Jésus-Christ. Joseph a préféré rester un esclave, mais avoir une relation avec Jésus-Christ au lieu d'être un roi dans ce monde, mais ne plus avoir cette relation avec lui. Donc c'est un exemple pour nous aujourd'hui. Praise the Lord. Alléluia. You know, that was the problem the Jews they were having. Und das ist das Problem, was die Juden hatten. Et c'est ça le problème que les Juifs avaient. Once God tell them to do something, they will leave God and just pursue that very thing. Wenn Gott ihnen gesagt hat, was sie tun sollen, haben sie diese Sache verfolgt und Gott links liegen gelassen. Donc quand Dieu disait aux Juifs de faire quelque chose, ils se concentraient sur cette chose-là, mais négligeaient la relation avec Dieu lui-même. You never allow anything to occupy his position. Wir dürfen nicht zulassen, dass irgendetwas die Position von Jesus Christus in unserem Leben einnimmt. Amen. On n'a jamais permettre que quelque chose prenne la position de Dieu dans notre cœur, dans nos vies. Joseph's focus was not the dream. If not, he could have done it. Der Fokus von Joseph war nicht der Traum, sonst hätte er es getan. When? How? Donc La concentration de Joseph n'était pas sur le rêve lui-même, mais elle était toujours sur Dieu. Parce que sinon, il l'aurait fait. If the Lord tells you he's going to give you a house, remove your heart from that house. Allow your focus to be him. It's not how is he going to give me, how are we going to work. It's not your meditation and not he himself. Genau. Wenn der Herr dir beispielsweise verspricht, dass er dir ein Haus geben wird, sollst du deinen Fokus nicht auf dem Haus haben, darüber nachsinnen die ganze Zeit, wie er das machen wird, von wo es kommen wird, wann es soweit sein wird, sondern sollst deinen Fokus weiterhin auf deine Beziehung mit Jesus Christus haben. Amen. Si par exemple Dieu te promet une maison, ne te concentre pas sur cette maison, mais plutôt sur ta relation avec Jésus Christ, parce que si tu te concentres sur cette maison, tu vas vouloir avoir cette maison, mais d'une manière, à ta propre manière. Donc tu vas commencer à chercher à gagner plus d'argent ou quoi que ce soit. Donc Concentre-toi toujours sur Jésus-Christ. And if the Lord reveals your mate to you, he's going to reveal because everything comes through revelation. Und das gleiche geht auch für deine Ehe. Der Herr wird dir auch deinen Ehepartner offenbaren, denn es kommt durch Offenbarung. Tout comme Jésus-Christ va te révéler la personne que tu vas marier, que tu vas épouser, mais parce que tout va à travers des révélations. You know, Moses made a mistake. You remember that mistake? You know, he knew that he was going to be the deliverer. He took his eye away from God and now on the people. And now he wanted to do it in the flesh. Mose hatte einen Fehler gemacht. Er hat seine Augen auf das Versprechen gesetzt und hat deswegen die Dinge in seine eigene Hand genommen. Und hat dann dafür gesorgt, dass das alles sich noch mehr verzögert hat, weil er nicht auf den Herrn und seine Anweisung für den Willen gewartet hat. On peut voir à l'exemple de Moïse, si tu te concentres sur cette révélation, tu peux même retarder les plans de Dieu lui-même. Parce que quand Moïse lui-même a vu, voulu prendre les choses en main, tout ça a poussé à que la manifestation a duré encore plus. How many years was it? It was remaining 10 years for it to happen. Oh, yeah. Natural, to manifest, according to God's set time. Oh, yeah. Und dann, er hat sie 30 Jahre verlängert, sodass es insgesamt 40 Jahre. Okay. Donc, normalement, Moïse devait attendre que 10 ans, mais à cause de sa propre action, pas en Jésus-Christ, ça a duré 40 ans. If you want to calculate that of Joseph, you can see the time, it was so short. You know, if you go to 30, read it yourself, amen. Genesis 37, if you check it, you see how old Joseph was. And how old in Genesis 40-41, when he became prime minister, the time, you can see just around 30 years. Wenn wir die Zeit von Josef uns aber im Vergleich zu der Zeit von Mose ansehen, sehen wir, dass es relativ kürzer war als die Zeit von Mose, weil wir das sehen können von 1. Mose 37 bis 1. Mose 40. Und da lesen wir, dass es halt 13 Jahre gedauert hat, bis sich das manifestiert hat. Et si tu compares le temps que Joseph a attendu la manifestation de sa promesse, ça a duré que 13 ans parce que lui il est resté sur le droit chemin, you pas know, comme Moïse. People always say why does it have to take time? Why, if the Lord reveals something, why? Because he's going to, you know, it's like a copper and electricity. Electricity work with copper, not with wood. You know, you have to, that's why the renewal of the mind is so important. Allowing the Christ in your spirit to come to your mind. Deswegen ist es, wir fragen uns dann manchmal, wieso dauert es so lange oder wann wird es endlich passieren? Aber der Herr kann nur durch ein leeres Gefäß arbeiten, genauso wie Elektrizität nur durch Kupferrohre geleitet werden kann und nicht durch Plastik oder Holz. Dieu peut seulement travailler à travers un vaisseau qui est vide. C'est comme l'électricité peut seulement traverser des câbles et pas du bois. Donc on doit garder notre concentration sur Jésus-Christ et pas sur les choses qu'on veut avoir ou que Dieu nous a promis. Before I continue, you know, Papa said something concerning Joseph was, he knew that this was not the way the Lord was going to make it. Mm. You understand? That is why it's good to know the ways of the Lord. Amen. How he does things. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir den Herrn kennen und damit auch seine Wege kennen, damit wir nämlich seine Wege von den Wegen dieser Welt unterscheiden können, wenn wir vor die Wahl gestellt werden. Joseph a pu choisir le droit chemin parce qu'il connaissait son Dieu. Et il connaissait les chemins de Dieu lui-même. Donc, si tu connais ton père, si tu connais aussi ton identité, tu pourras distinguer entre les chemins de ce monde et le chemin surnaturel. Donc, tu vas toujours prendre prendre le bon choix ou le bon chemin plutôt. He never do things through you disobeying him, ignoring him, rejecting him. You get it. Yeah. If you just look at it, you know, he said, okay, can we Jesus do this? Yes, it's a part of it. But, you know, is he going to, what I'm going to do, is he going to bless him? They you get it. Yeah. Because something is to glorify God or is to glorify Satan. Yeah. Who is to be glorified? Yeah. Der Herr arbeitet nicht durch Ungehorsam, sondern er arbeitet durch Glauben. Und die Frage ist, wer wird in dieser Entscheidung verherrlicht? Jesus Christus oder der Satan? Satan selbst. Oh. Papa nous avait donné l'exemple de... Enfin, de... nous avait dit de se poser toujours la question si Jésus-Christ agirait aussi de la même manière. Mais on doit aussi savoir que si tu veux accéder à quelque chose, ta manière de l'acquérir et de l'avoir ne sera jamais en désobéissant Jésus-Christ lui-même. Donc, tu vas, en faisant quelque chose, tu vas toujours glorifier soit le diable ou Jésus-Christ. Donc, le bon chemin va toujours être le chemin où tu vas glorifier Dieu lui-même. Vers 8. Vers 8. But he refused and said, 1 Mose 39, 8. Behold, my master wotteth not what is with me in the house, and he hath committed all that he had into my hand. There is no greater in this house than I, neither hath he kept back anything from me but thee, because thou art his wife. How then shall I do this great wickedness and sin against God? Praise the Lord. Hallelujah. On a lu Joseph, non, pardon, Genèse 39, verset 8. 9 plutôt. You know, before you, are you going to read it? Because we don't have time. No. I just said which one you read. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. You know, before you jump into bed with anybody, that bed. Bevor du ins Bett springst mit irgendeiner Person. Avant de coucher avec une personne. If you remember, you know, if you can remember Christ. And say, this body belong to him already. Yeah. Donc si tu peux te rappeler, si tu te rappelles à Jésus-Christ et tu te dis que ce corps appartient à Jésus-Christ, tu vas pas le faire. Vor dieser Entscheidung daran erinnerst, dass dein Körper Jesus Christus gehört, dann würdest du das nicht tun. He bought that body with a price. Denn er hat diesen Körper mit seinem teuren Blut erkauft, mit seinem Blut erkauft. Parce qu'il a acheté ce corps avec un prix qui était très haut, avec son sang. You know, Joseph could have even, you know, want to achieve it in the natural way. Let me get it. It's after a man, my dream must come true. My dream must come true. I've dreamed of it. They must all bow down before me. Maybe this is how it's going to work. Allow Christ to do his job. Josef hätte auf dieser Entscheidung hängen bleiben sagen können, ich muss das machen, das ist der einzige Weg, ich bin doch schon am Boden, ich muss diesen Weg gehen, um meinen Traum, um das zu manifestieren, was der Herr mir versprochen hat, aber das hat er nicht gemacht, er hat auf den Herrn geschaut und sich dagegen entschieden. Donc Joseph a pas pris cette décision de coucher avec la femme de son maître, parce qu'il était concentré sur sa relation avec Dieu lui-même et pas sur la promesse que Dieu lui avait faite. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 10, and it came to pass, as she spoke to Joseph, day by day, tag for tag. Jour après jour, elle revenait. You know that something is coming more and more does not mean you do it. Nur weil es von Tag zu Tag kommt, es sich wiederholt, heißt nicht, dass du es tun sollst. Mais juste parce que quelque chose vient jour après jour, ça ne veut pas dire que tu vas le faire après quelque temps. Tu dois le faire après quelque temps. Joseph hat sich geweigert, das Fleisch dem Fleisch zu gehorchen. Joseph a refusé d'obéir à la chair. You know, this woman was, it was not once, she said day by day. Das war nicht einmal diese Versuche, sondern mehrmals hat sie es versucht, mehrmals hat sie sich ihm angeboten. Und donc, cette femme-là a essayé à plusieurs reprises de coucher avec lui. Pas seulement une fois, mais jour après jour, la Bible nous dit. You know, for those that take joy in evil, they will say, no, the flesh is weak, that the spirit is strong, the flesh is weak. They take joy in evil. Look at Joseph here. He have also flesh. Mm-hmm. He have the body to deal with. Yeah. But he said no. Und es gibt Menschen, die die Genuss haben am Bösen und sagen, ja, das Fleisch ist eben schwach und der Geist ist halt nur willig. Aber Josef hatte auch Fleisch, aber er hat sich für den Geist entschieden. Mm. Il y a des gens qui prennent plaisir à la chair et et disent toujours, ouais, la chair est faible. Mais on peut voir que Joseph, lui aussi, était en chair et en os, mais il a pu résister à ses désirs charnels. He said that he hearkened not unto her, to lie by her, or to be with her. Verset 11. And it came to pass after this time that Joseph went into the house to do his business, and there was none of the men of the house there with him. And she caught him by his garment, saying, "Lie with me." And she left his garment in her hand and fled. He ran for his dear life. Er ist weggelaufen. Il a fui. Run away from evil. Renn weg von dem Bösen. Donc on doit fuir le mauvais. Praise the Lord. Alléluia. Amen. We know what happened. Amen. Wir wissen, was passiert ist. Amen. On sait ce qui s'est passé. Er wurde. This woman lied on her. You know, just told different story to the husband. And this one. Joseph wurde unschuldig ins Gefängnis geschmissen, weil diese Frau ihm irgendwas angehangen hat. Et Joseph, on l'a jeté en prison après ça. Praise the Lord. Or qu'il n'était même pas coupable. Does it really matter? Aber ist das überhaupt wichtig? Mais est-ce que c'est important? Amen. Amen. Attend the love. That, you know, choosing Christ can take you to anywhere, but that very place is your victory. Amen. Gehorsam hat einen Preis und es kann viele große Konsequenzen haben für dein Leben. Aber dennoch ist es es wert, sich für Christus zu entscheiden. Être obéissant a un prix et ça va te coûter des choses dans ta vie. Mais faut savoir que ce prix que tu as payé est jamais plus grand que Jésus-Christ lui-même. The victory was not in the palace; it was in the prison. Und dieser Erfolg war ja noch nicht mal in diesem Palast, sondern es war ein Gefängnis. Aber wir versuchen das Fleisch zu verteidigen, es zu beschützen und lassen nicht zu, dass es gefährlich wird. Parce que la victoire de Joseph était pas dans le palais, mais plutôt en prison. Mais nous, on cherche toujours à protéger notre chair et que ce soit que ce soit vraiment facile pour notre chair, pour nous-mêmes. Mais or que de temps en temps, ça doit être difficile avant que la révélation de Dieu lui-même se manifeste. He refused to achieve that victory through fornication. Er hat sich geweigert, diesen Erfolg durch Ungehorsam zu bekommen, durch dem Satan gehorchen zu bekommen. Joseph a refusé d'avoir la victoire, d'avoir ce poste, à travers désobéissant à Dieu. Please, because of this very place I just talked about, don't be jealous of, you know, Joseph, for example, if he could have done it that way, sleeping with that woman and achieving it, and everything is beautiful for him. But that does not mean it's Christ. Yeah. That is why the Lord said, "Reveal something to me 2-3 days ago." Josef hätte auf dieses Angebot eingehen können, hätte mit der Frau schlafen können und mit ihr sozusagen ihr sein eigenes Reich gründen können. Aber das ist nicht das, was der Herr wollte für ihn, und das ist auch nicht der Erfolg. Und deswegen hat der Herr mir auch im Anschluss darauf hat der Herr mir auch etwas offenbart, was diesbezüglich auch sehr wichtig ist für uns alle. Joseph aurait pu coucher avec la femme afin d'obtenir et créer son propre royaume avec cette femme, mais il savait que c'était pas la manière que non la façon de l'obtenir qui en désobéissant à Dieu. Et c'est très important pour nous tous. Et il y a 2-3 jours aussi, Dieu m'a révélé quelque chose qui nous concerne ici, qui va dans la même direction. He said we should not admire whoever is having victory without him. Mm-hmm. Or disobeying him and having victory. Wir sollen niemanden bewundern. We should not be jealous. You know, people are jealous of people. Admiring them. And seeing that, okay, they disobey God, but things are working for them. Wir sollen niemanden bewundern, der unabhängig von Jesus Christus Erfolg hat. Wir sollen sie nicht bewundern, weil Dinge für sie funktionieren, obwohl sie ja Jesus Christus missachtet haben, funktionieren die Dinge. Wir sollen nicht eifersüchtig sein auf das, was diese Leute erreichen oder bewegen oder machen. Le Saint-Esprit lui a dit qu'on n'a pas admirer ou alors être jaloux des gens qui sont qu'ils ont des victoires de ce monde et mais leur victoire est sans Jésus-Christ. Donc, that's what. Praise the Lord. Ouais, ça vaut pas la peine de obtenir une victoire, mais de la mauvaise manière. You know, it's in Psalm 37. He said, "Don't admire the evil doers." Mm-hmm. Amen. You know, you might even be going to the same church, but you are believing Christ, and there's somebody that is not believing Christ passing the school. You understand me? He's not acting on Christ. He or she is not believing. He's not acting on the truth. And upon all, he's achieving. You can see what Mark called victory. He said, "Don't admire them." And Jesus Christus sagt uns, dass wir halt die Übeltäter nicht bewundern sollen. Dass wir die Leute, die, obwohl sie den Herrn missachten, den Herrn ignoriert haben, von den Wegen des Herrn gegangen sind, auf einmal Erfolg haben. Wir sollen sie nicht bewundern, beneiden, wenn sie auf einmal dann bestehen, wenn sie dann auf einmal das Geld haben, auf einmal die Ehe haben, dann die Kinder haben, all diese Sachen haben, die diese Welt sucht. Wir sollen das, was sie tun, was sie haben, nicht beneiden. Donc, la Bible nous dit, enfin, dans Psaume 37, Dieu nous dit de ne pas envier, de ne pas admirer les malfaiteurs de ce monde. Parce qu'on peut être même dans la même église et il y a certaines personnes qui vont avoir du succès, vont réussir leurs examens ou alors avoir des enfants avant nous ou se marier avant nous. Mais si cela n'est pas compatible avec les chemins de Dieu, on ne doit pas admirer ça, on ne doit pas envier ces personnes-là parce que cette victoire-là peut être ce que le diable va utiliser pour les détruire eux-mêmes. He said it's not having the victory, it's the way you have it that is more important. Ja, es geht nicht darum, den Erfolg zu haben, sondern wie wir dahin gekommen sind und von wem er ist. Das ist viel wichtiger. Donc ce qui est important, c'est pas d'obtenir la victoire, mais c'est la manière dont accueillir, on dit, d'avoir cette victoire. Ouais, donc c'est ça qui est important. Pas la victoire en comme telle, mais comment obtenir cette victoire, c'est ça qui est important. Amen. Amen. You can have money in this natural life. There's a way you do it. In Christ also, you understand me? The way is more important than the victory or whatever you call it. Du kannst auch in der Welt erfolgreich sein und Geld haben, aber die Frage ist, wie hast du das bekommen? Wie war dieser Weg? War es Christus oder das Fleisch? Mm-hmm. Donc tu peux avoir du succès, tu peux réussir dans ce monde, mais la question est comment as-tu eu cette richesse, comment as-tu eu cette victoire? And that is why the victory for Joseph was not, he did not, you know, he became prime minister. To achieve his dream. That is not the victory. Amen. The victory is that he believed God. Yeah. And his focus was on him. Amen. Wenn wir uns Josefs Geschichte im Ganzen anschauen, ist nicht der Erfolg oder der Sieg, dass er am Ende diese Position hat, sondern dass er in der ganzen Linie dem Herrn vertraut hat. Amen. Donc si on regarde toute l'histoire de Joseph, sa victoire n'était pas de devenir ministre, mais plutôt qu'il pendant ce procès, il a jamais quitté son Dieu. Because the Lord can reveal something to you, and you can do it natural way and even achieve the same victory. Weil der Herr kann dir etwas offenbaren und man kann es auf fleischliche Art und Weise empfangen, aber man kann es aber auch geistig empfangen. Ouais, parce que Dieu peut te promettre quelque chose et cette promesse tu peux l'avoir d'une manière charnelle ou alors par l'esprit. C'est à toi de décider. Praise the Lord. Amen. I quickly talk about because if not, you will not live here today. But we have a lot, amen. And I'm postponing. The message here is very, very powerful. You should sing. Okay. Not just sing, but that. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. You want to say something? Understanding. What I intend to say is this. The ways of the Lord, according to him, said, my ways are not your ways. We should not forget. We are talking about not forgetting things. Not forgetting who we are. That's what we are saying. Joseph did not forget who he was. He didn't. He refused to forget who he was. And we keep forgetting who we are. We are in the world, but we are not of the world. The world says the end justifies the means. That is the world. The world, yeah. This world. This world. Mm. And we are in it. Mm. We should not be carried away by that statement. Yeah, it's true. And then secondly, in the world, 1 + 1 = 2. It's logic. We should not do things that way, through that logic. We should not believe in the logic of the world. God has his own way. Yeah. If there is a contest question, primarily, say, okay, how does success come? When you are in Buckingham Palace or when you are in Kirikiri prison? Everybody will say, very simple question is that? Know what is Kirikiri prison? Prison, yeah. Fairness. So, we call it Kirikiri. So, everybody will say, teacher, why are you asking that kind of very funny question? Everybody knows that. Buckingham Palace is automatic, you are successful. But God is saying, no, your success is in the Kirikiri. That is God's way. And that's what I want to emphasize on. Please. So go. Praise the Lord. Please. Wir sollen uns immer wieder daran erinnern, wer wir sind, ne? Und dabei gleichzeitig erkennen, wer wir eben nicht sind, dass wir eben nicht zu dieser Welt gehören, obwohl wir auf dieser Welt sind. Und in dieser Welt ist es so, dass den Zweck erfüllen. Das heißt, egal wie du da hingekommen bist, Hauptsache du bist am Ziel. Also egal über wie viele Leichen du gegangen bist, egal wie viele Leute du bestohlen, belogen, beklaut hast, Hauptsache du bist am Ende da, wo du sein willst und machst dann da das Gute. Aber das läuft so nicht im Königreich Gottes. Im Königreich Gottes ist Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben und nicht unser eigener Weg. Und der zweite Punkt ist, dass wir halt nicht nach der Logik dieser Welt wandeln sollen, sondern nach der Logik von Jesus Christus. Ne? Dass wenn man in der Schule fragen würde, wo habe ich die meisten Erfolgschancen, um eine gute oder sichere Zukunft zu haben? Wenn ich mein Praktikum im Buckingham Palace mache oder bei der Europäischen Union in Belgien oder sonstiges. Oder wenn ich, keine Ahnung, 15 Jahre auf einmal ins Gefängnis geschmissen werde, weil ich Christus geprägt habe. Wo habe ich mehr Erfolgschancen, dass noch aus mir was wird? Alle Leute würden sagen, natürlich, wenn du das Praktikum, die Ausbildung oder diesen Job bekommst an diesen krassen Orten und nicht, wenn du ins Gefängnis geschmissen wirst. Aber hier an Josefs Beispiel sehen wir, dass der Herr im Gefängnis diesen Erfolg für ihn hatte und nicht, so wie die Welt es vermuten würde, an anderen Orten. Amen. Amen. Womit fange ich an? Attacke. Ouais. Faut savoir que dans le royaume des cieux, le but ne justifie pas les moyens. Donc on doit toujours essayer de toujours se concentrer sur Jésus-Christ et choisir ses chemins. Parce que la Bible nous dit, Dieu lui-même nous dit que ses moyens, ses chemins ne sont pas les mêmes comparables à ceux de ce monde. Donc on doit rester spirituel et pas chercher des solutions charnelles. Ouais, parce que papa nous a aussi donné un autre exemple, parce que si tu as la possibilité de commencer à travailler dans un palais ou alors dans l'Union européenne où tu as le choix de passer 15 ans en prison. Qu'est-ce que tu vas faire? Le monde sûrement va choisir d'aller travailler à l'Union européenne. Mais dans l'exemple de Joseph, la Bible nous a montré que le chemin de Dieu, la victoire de Dieu ne se trouvait pas dans l'Union européenne, mais plutôt en prison. Donc, on a se laissé guider par le Saint-Esprit afin de prendre les bonnes décisions qui vont toujours glorifier notre Dieu. Et c'est... Praise the Lord. Parce que ce monde, c'est le contraire du monde spirituel. Praise the Lord. Hallelujah. And you know, if I want to compare something to it, it's that of Elijah the Tishbite. Remember that. Oder man kann es auch vergleichen mit Elijah. When that, you know, he was in the palace, he gave the king what the Lord revealed to him, that there will be no rain for years. Mm. And the Lord now said, when immediately after he gave the message, the Lord now said to Elijah, go to Brook Sherry. I will send the bear to feed you there. I'm not staying in the palace. Und es erinnert mich auch an die Situation von Elijah, als er im Palast war und den Befehl Gottes hatte, dem König auszurichten, dass es für eine längere Zeit nicht regnen würde. Und er hat das getan und danach hat der Herr ihm gesagt, er soll zum Bach Krit gehen, um dort zu warten. Und die Raben werden ihn dort versorgen. Und Elijah hätte auch sagen können, wie soll ich in die Wüste gehen, um versorgt zu werden, wenn ich doch jetzt an einem Palast bin, wo es mehr als genug Essen gibt. Aber dennoch hat er sich auf den Weg gemacht und ist zu diesem Baum gegangen und er wurde versorgt, übernatürlich. Er wurde versorgt, übernatürlich. Amen. Maman nous a aussi donné l'exemple d'Élisée. Qui a dû passer le message au roi qu'il y aura une sécheresse pendant plusieurs années. Mais après que Élisée ait transmis ce message, Dieu lui a dit de partir vers le... C'était où le... C'était Bar Krit. Bar Krit. Enfin, il lui a dit que de partir près, non pas du lac. Voilà, c'est une barre. Non, pas un fleuve non plus. Un peu plus petit qu'un fleuve, comment on appelle ça? Bref. Ruisseau. Rivière. Ouais, près de la rivière. Et là les oiseaux vont te nourrir. C'est ça, non? Ouais. Mais dans ce monde, ce qui est plus logique, c'est naturel. C'est de rester dans le palais, près du roi, où là tu vas recevoir ta nourriture. Mais Dieu a dit que non, je vais prendre soin de toi, et ça d'une manière surnaturelle. Donc on doit toujours faire confiance à Dieu et pas se reposer sur les chemins de ce monde, sur les chemins charnels. Praise the Lord. Alléluia. And he also said, I should give you this, how to hear the voice of the Lord, how to hear the voice of the Holy Spirit. I'll just make it short before we go to our message. Amen. He says, stop seeing yourself. That's how you hear. You know, if your focus is yourself, you can never hear the voice of the Holy Spirit. Wenn dein Fokus auf dir selbst liegt, dann wirst du die Stimme des Heiligen Geistes niemals hören können. Donc si tu es concentré sur ta chair, sur toi-même, tu vas jamais pouvoir entendre la voix du Saint-Esprit. If your motive, you know, is flesh, and not your motive is Christ, you cannot hear the voice of the Holy Spirit. So also is value, desire. All these, they have to be, I desire Christ. It's like, you know, okay. Wenn dein Motiv nicht Christus ist, dann wirst du auch Christus nicht hören. Du wirst immer nur die Stimme hören, nach der du suchst. Mm. Und wenn dein Motiv nicht Christus ist, suchst du ja etwas anderes als Christus. Donc, si tu es pas concentré sur Jésus-Christ, si ton cœur n'est pas rempli de Jésus-Christ, tu pourras jamais entendre la voix de Jésus-Christ. Tu vas toujours entendre une autre voix. Parce que si tu cherches les choses de ce monde, Jésus-Christ n'est pas là-dedans. Donc, tu vas entendre des voix qui vont te pousser vers comment avoir cette réussite, comment obtenir ces choses-là. Mais ça ne viendra pas de Jésus-Christ lui-même. If you know, if you are, You are going to hear the voice of Christ or the voice of the flesh. Du wirst entweder die Stimme des Fleisches oder von Jesus hören. Or you are going to take decision. Mm-hmm. Avant de prendre une décision, tu vas toujours entendre la voix de Dieu ou alors la voix de la chair. You can only hear the voice of Christ if your desire, your motive, your value, your choice is Christ. Du kannst nur die Stimme von Christus hören, wenn deine Motive, deine Werte und wenn deine Wahl Christus ist. Donc tu vas seulement entendre la voix de Dieu si ton motive est Jésus-Christ, si tes valeurs et si ton désir est Jésus-Christ. You see Christ and no longer yourself. Du siehst nur Jesus Christus, nicht mehr dich selbst. Tu vois Jésus Christ et plus ta propre chair. It's like finding the will of Christ. To finding the will of Christ is very easy. Genauso wie den Willen von Jesus Christus kennen. Das dafür geht, es ist einfach, sehr einfach. The will of Christ for you. Parce que et aussi de connaître la volonté de Dieu pour toi, c'est aussi très facile. You know, if you, for example, you want what you are going to do in life, you say you want the will of Christ. First of all, money is not the issue. I'm not going to do it because of money. I'm not going to do it because my parents want me to do it. I'm not going to do it because it will give me a good name. I don't know if you are getting it. Mm. I'm not going to do it. There are, you see all this fleshly thing, they are out of it. Then what is your desire? There is the will of Christ. Der Wille des Herrn ist einfach zu erkennen. Wenn wir unsere Motive nur auf Christus beschränken und sagen, okay, was würde ich tun, unabhängig von meinem Gehalt? Was würde ich tun, unabhängig von dem, was Menschen von mir denken oder von mir halten? Besonders Menschen, die mir wichtig sind, beispielsweise meine Eltern. Was würde da noch übrig bleiben? Das ist ja das Motiv von Christus und das ist dann das, was du tun sollst für den Herrn. Encore une fois, de connaître la volonté de Dieu, c'est quelque chose de facile pour nous. On a toujours... juger nos motifs. Est-ce qu'on le fait pour obtenir, pour avoir de l'argent ou alors parce qu'on veut être, on veut obéir à nos parents? Parce que la volonté de nos parents n'est pas forcément la volonté de Dieu. Donc on a toujours extraire tous ces motifs charnels et ceux qui restent quand on est en Jésus-Christ, c'est ça la volonté de Dieu pour nous. Praise the Lord. Amen. So we will go to our message, which is Christ's principles. Wir sprechen jetzt über die Botschaft von heute, und das sind die Prinzipien von Christus. Donc on va commencer avec notre message d'aujourd'hui, qui est les principes de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. And we have been studying Christ's principles for some time now. Und wir haben die Prinzipien von Christus jetzt seit längerem durchleuchtet. Et ça fait un bon bout de temps qu'on parle maintenant des principes de Dieu. Amen. Amen. Another of his principles is believe. Ein anderes Prinzip, ein weiteres Prinzip ist zu glauben. Un des principes de Jésus-Christ est aussi la foi. The question is, what do we believe? Die Frage ist, was glauben wir? Or what are we to believe? An was sollen wir glauben? La question est, on croit en quoi? Ou alors, à quoi on doit croire? Amen. Amen. It is to believe the finished work of Christ. Wir sollen an das fertige Werk von Jesus Christus Amen. Glauben. On doit croire à... L'accomplissement de Jésus-Christ. In Old Testament, they believe. Their belief and our belief today are two different beliefs. Im Alten Testament haben die Menschen auch an etwas geglaubt, aber ihr Glaube und unser Glaube sind nicht gleich. Dans l'Ancien Testament, les gens ont aussi cru en Dieu, mais on peut pas comparer la croyance de l'ancien, la foi de l'Ancien Testament avec la foi d'aujourd'hui de la Nouvelle Alliance. Praise the Lord. Alléluia. You know, now we believe that Christ has done everything for us. Jetzt glauben wir, dass Christus alles für uns erfüllt hat. Aujourd'hui, nous on croit que Jésus-Christ a tout accompli pour nous. And he empowers us to live for him. Und das bekräftigt uns, für ihn allein zu leben. Amen. Et ça nous motive. Ça nous pousse à vivre en lui, ça nous fortifie dans cette foi. You believe enough that you do not see the flesh. In spite of the flesh, evil can even tell you that the spirit is a liar. Wir glauben so sehr, unabhängig von unserem Fleisch, was uns weiß machen will, dass der Geist ein Lügner ist. Romans 4. Romains 4. And that's why if you believe like Abraham, you get the same result like Abraham. Wenn wir so glauben wie Abraham, kommen wir die gleichen Ergebnisse. Glaube an das fertige Werk von Jesus Christus. C'est la raison pour laquelle si on croit comme Abraham, par exemple, on va aussi recevoir les résultats d'Abraham que Abraham a reçus. Abraham believed God. Romains 4. Abraham a Gott geglaubt. Abraham a cru en Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. He refused anything outside to deceive him. Er hat sich geweigert, dass irgendetwas Äußeres ihn beeinflusst oder täuscht. Il a refusé que l'extérieur l'influence. Praise the Lord. Hallelujah. Let's run verse 16. Let us quickly read. Therefore, it is of faith that it might be by grace. Faith. It is of faith that it might be by grace. Römer 4, 16. And not of work. Of work. It means it is not by grace. But by faith means it is by grace. Durch Glauben heißt durch Gnade. À travers la foi veut dire à travers la grâce. To the end, the promise might be sure to all the seed, not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. Verse 17. 17. Merci 17. As it is written, I have made thee a father of many nations. Here there was no child at all. Hier gab es noch gar kein Kind. But God said to him, it's the word of God to him. I made you the father of many nations. You are going to be a father of many. I made you. I create you. I made you to be a father of many nations. Aber Gott sagt dennoch zu ihm, du wurdest schon als Vater vieler Nationen erschaffen. You get it. Dieu dit à Abraham qu'il a été créé, il a été établi pour être père d'une multitude de peuples, or qu'il n'avait même pas encore un enfant à ce moment-là. You know, this word tried Abraham for more than 20 years. Und dieses Wort hat Abraham mehr als 20 Jahre geprüft. Et cette promesse de Dieu, cette révélation de Dieu a tenté Abraham pendant 20 ans. He said, before him whom he believed, even God, who quickened the dead and called those things which be not as though they were. Verse 17. He called, verse 17 again. He said, he called those things that be not as though they were. Though the natural, I cannot see them, but they exist. Obwohl das natürliche Auge es nicht sehen kann, dennoch existiert es. Amen. Même si tes yeux charnels ne peuvent pas voir, ça ne veut pas dire que ces choses n'existent pas. Let me remind you of Joseph again. Joseph was called a prosperous man, though he was a slave, calling those things that be not as though they be. Joseph wurde ein wohlhabender Mensch genannt, obwohl er ein Sklave war. Und damit werden Dinge so genannt, als ob sie wären. Joseph a été appelé un homme. Comment on dit? Non, gerade habe ich was anderes gelesen gehabt. Warte mal, ich gehe mal kurz zurück. Juck! I'm not done, Mami, pardon. I have to learn French. Hey! Voilà, Genesis 39. Genesis 30. It was Genesis 30. 39. Welcher Vers war das nochmal? 2 direkt, ne, war direkt am Anfang. Ja, der Vers 2. Et t'en as vu pour un catalan quoi? Er nennt die Dinge, die nicht sind, als seien sie. Donc, il dit les choses qu'on ne peut pas encore voir physiquement. Comme s'ils étaient déjà là. Praise the Parce Lord. Qu'ils sont déjà là. Amen. Amen. What man cannot see, you are seeing it. Was der Mensch nicht sehen kann, das siehst du. Ce que l'homme ne peut pas voir, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu le vois. Remember that of, you know, Elisha and the Syrian army. Those that be with us are more than those that be with them. You know what they can, what people cannot see. Was Leute nicht sehen können. They, no, they cannot see. That does not mean you don't say it. Nur weil sie es nicht sehen können, heißt es nicht, dass du es nicht bezeugen kannst. Genauso wie Elijah und vor der syrischen Armee, dass er sagen konnte, dass die, die bei ihm sind, sind viel zähliger als die, die vor ihm stehen, weil er an das geglaubt hat, was der Mensch nicht sehen konnte. Tout comme Élie, par exemple, il a cru en son que, à ce que le monde n'a pas pu voir. Il savait que ceux qui étaient avec lui étaient beaucoup plus nombreux que ceux qui étaient que les soldats syriens. Donc on doit croire à, on doit croire et ne pas avoir peur de témoigner et de dire ce qu'ils existent déjà spirituellement. You know, you are not saying it so that it will become so. You are saying it because it is so. Amen. Und was wichtig ist, dass wir wissen, dass wir diese Dinge nicht aussprechen, damit that's sie so faith. Werden. Saying, yeah, I'm coming, saying it to be so is not faith. Yeah. It is saying it because it is so. That is faith. Amen. Wir sagen die Dinge, weil sie so sind. Wir sagen nicht die Dinge, damit sie so werden, weil das ist ein Zauberspruch und nicht Glauben. Mm-hmm. Donc, on dit, par exemple, on dit ce qui est et pas ce qui va se manifester ou ce qui viendra. Donc, par exemple, si on dit qu'on est guéri, pas qu'on va être guéri. Praise the Lord. Alléluia. Verset 18. Hope, believe in hope. Not you to hope for. Praise the Lord. Alléluia. Es war hoffnungslos. Sans espoir. Who against hope believe in hope that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall your seed be. Can you see it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And being not weak in faith, he considered not his own body 19. Now dead. 19. You no longer see your body. You know, it's not I believe and not saying it. You believe and say it. Und du siehst nicht mehr deinen Körper. Some believe, they say they believe, they never say it. It is you believe with the heart, man believer, with your mouth confession is made. Und but they go together. Und du glaubst nicht, ohne es mit deinem Mund zu bezeugen. Du musst glauben, dass es so ist und es mit deinem Mund bezeugen. Du kannst nicht behaupten zu glauben, ohne es auszusprechen. Es geht beides miteinander einher. Donc tu dois croire et tu dois le témoigner avec ta bouche. Donc tu dois croire dans ton cœur et le témoigner avec ta bouche. Praise the Lord. Alléluia. You know, do you really trust your daddy? Vertrauen wir unserem Vater wirklich? Your father. Vertrauen wir unserem Vater wirklich? Est-ce que tu fais vraiment confiance à ton père? He said, be not weak in faith. He considered not his own body, now dead. The body was dead. Le corps était mort. Sein Körper war tot. When he was 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. Und ihr Schoß war tot. You know, we have to believe Christ, the Bible. Entweder müssen wir an das Ganze glauben oder Jesus Christus ein Lügner nennen. Donc, soit on croit vraiment à la Bible ou alors on doit dire que Jésus-Christ et Dieu est un menteur. You know, there was a time I'm coming, sir. There was a time I wanted to have more children. Papa was saying, let us have more children. I asked, today I say I want. Tomorrow I say no. Then later I said, I cannot even have children because I don't have all this monarch period, what do you call it? The Lord said, I don't even need it to have children. Mm. He told me personally, he said, I don't need to have. He said, do I need it to have any child? He said, I don't need it. That's what he told me. He said, the question is, do you want or no? He said, no. Praise the Lord. I said, no. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the natural, what once you come to supernatural world, it's another world entirely. Amen. Und es gab eine Zeit, wo ich überlegt hatte, doch noch wieder ein Kind zu bekommen. Und mein Ehemann wollte auch, dass wir nochmal ein Kind bekommen. Und ich hatte mir aber dann Gedanken gemacht, dass selbst wenn ich es wirklich wollte, kriege ich aber meine Periode nicht mehr. Und dann ist doch eigentlich der Zug biologisch gesehen abgefahren. Aber der hat mir persönlich gesagt, dass es geht nicht darum, dass du kannst Kinder noch bekommen. Aber die Frage ist, möchtest du Kinder haben? Und dann habe ich gesagt, tut mir leid, nein, ich möchte keine Kinder mehr haben. Und dafür war, damit war die Sache gegessen. Die Sache war nicht gegessen, weil sie biologisch oder weltlich gesehen nicht möglich war, sondern einfach, weil ich es selber nicht wollte. Mhm. Deswegen sind wir unser eigenes Hindernis. Il y avait un temps où mon mari et moi réfléchissions à avoir encore d'autres enfants. Et normalement, enfin, biologiquement, comme j'avais déjà plus, je recevais plus mes règles, c'était plus possible d'avoir encore d'autres enfants. Et Dieu m'a révélé que ce n'est pas la question si c'est encore possible dans ce monde ou pas. La question est-ce que tu veux vraiment encore avoir... est-ce que tu vas encore avoir des enfants réellement ou pas. Après, et là, j'ai réalisé que non, j'en voulais plus l'affaire était conclue. Praise the Lord. You know, he said, who told you that you need period to have children? Mm-hmm. He said, the natural one, yes. But logic. No, the natural one, they might even need it. But not, you don't belong there. You know, you told Adam, who told you? Mm-hmm. Who told you that you are naked? Mm. Who told you those lies? Oh, the flesh is always a liar. Und Gott fragt uns, wer hat dir gesagt, dass du deine Periode brauchst, um Kinder zu bekommen? Genauso wie er zu Adam gesagt hat, wer hat euch gesagt, dass ihr nackt seid? Wenn ich doch sage, dass ihr gekleidet seid in meiner Herrlichkeit. Amen. Et Dieu nous demande, qui t'a dit que tu as vraiment besoin d'avoir tes règles pour avoir un enfant? Tout comme il a dit à Adam, qui t'a dit que tu es nu, or que vous êtes dans ma présence. Donc quand vous êtes dans ma présence, vous êtes comblé. And that's why, you know, if you are believing Christ to have children, if you are not out of the flesh, it can never work. Because that you see your period does not mean you are not pregnant after prayer. Und wenn du eine Frau bist, eine verheiratete Frau bist, die ein Kind gerne haben möchte, musst du wirklich aus dem Fleisch dafür rauskommen, weil du darfst dich wirklich nicht von den biologischen Grenzen dieser Welt einschüchtern lassen und das glauben und dafür sorgen, dass der Herr dann ein Lügner ist, weil er ja sagt, unabhängig von diesen Dingen, kann ich dennoch dir ein Kind geben. Donc par exemple, pour si une femme veut vraiment avoir un enfant, dans le cadre du mariage, faut vraiment qu'elle remette ses désirs à Jésus-Christ et de pas croire en la chair, parce que Dieu peut lui dire après la, même si tu pries pour avoir l'enfant, même si tu as tes règles, si tu crois vraiment en Dieu, ça veut pas dire que tu n'es pas enceinte en ce moment-là. Donc quand on prie, comme on l'a dit tout à l'heure, tu le crois et tu le témoignes avec ta bouche. Donc tu dois vraiment être dans l'esprit et pas du tout faire considérer la chair plutôt. We just read that Sarah's womb was dead. Wir lesen gerade, dass Sarahs Mutterleib tot war. On vient de lire que le ventre, la matrice de Sarah, c'était déjà mort. It means she had no womb. Das heißt, dead womb mean no womb. Sie hatte kein Mutterleib. Das signifie qu'elle n'avait pas la matrice pour avoir un enfant dedans. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if you are not out of the flesh, you know that you see your period does not mean you are not pregnant. You believe Christ more than you believe you're seeing your period. Genau, wenn du nicht raus bist aus dem Fleisch, wirst du das immer wieder glauben und dich immer wieder zurück zurückwerfen lassen, wenn du halt deine Periode halt dann siehst. Aber du musst halt daran glauben und vertrauen an die Versprechen des Herrn, dass wenn er es gesagt hat, dann glaubst du es. Egal wie lange es braucht, egal wie viele Jahre vergehen, du wirst es dennoch glauben und immer wieder bezeugen. On vient de lire que son utérus était déjà mort. Donc elle n'était pas capable, Sarah, à avoir un enfant. Son utérus, pardon, sa matrice. Et c'est pour cela, maman encore dit que nous, on ne dépend pas de la manière naturelle. ça signifie que la manière biologique de ce monde nous dit que la dame doit avoir un utérus qui fonctionne, mm-hmm. qui doit elle doit avoir ses périodes, des histoires mm-hmm. comme ça. Mais nous, on obtient nos histoires surnaturellement. Donc ce n'est pas important. C'est l'important, c'est que est-ce que toi tu crois en Dieu. Si toi tu crois, c'est vraiment ça qu'il veut. Il veut que ta foi soit grande et pas de considérer le chemin naturel. Even in satanic world, they have children without even period. Yeah. Selbst in der satanischen Welt bekommen Leute Kinder ohne ihre Periode zu bekommen. Même dans le monde des ténèbres, eux aussi sont capables d'avoir des enfants sans avoir des périodes. Donc des enfants sans la manière. Doctor, you say it's not possible, but you understand me? Oder Ärzte, but that does not mean it's Christ. Mm. If it is not Christ, it cannot look like Christ. Mm. You cannot compare it to that of Christ. You don't stumble into that of Christ. Mm. You believe it. Ja. Yeah. Yeah. Und selbst wenn Ärzte sagen, du kannst eigentlich keine Kinder bekommen und dann kriegst du auf einmal Kinder, heißt das nicht, dass es von Christus ist. Na, weil du kannst dich in den Willen von Jesus Christus reinstolpern. Du kannst dich in seine Wege reinstolpern. Und es ist eine bewusste Entscheidung, an das zu glauben, was er sagt und wer er ist. Mhm. Und dann empfangen wir, dann manifestiert sich auch alles, was er für uns hat. Aber das ist nicht etwas, was Ungläubige auch auf einmal erfahren können, ohne Christus zu kennen. Donc c'est pas que dans ce monde ici, dans le monde du diable, si tu peux avoir des enfants, il existe aussi les cas où on dit que normalement tu ne peux pas avoir un enfant, mais tu as un enfant. Mais ça signifie pas que cet enfant-là vient de l'Éternel. Donc tu ne peux pas, tu peux pas coucouer comme ça brusquement dans la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu, lui, il a un plan. C'est pas que tu es par hasard dans son chemin. Donc c'est lui qui planifie tout. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 20. He said, he staggered not at the promise of God through unbelief. You know, the prayer request that Felix asked today, amen. Das Gebet anliegen, was Felix heute hatte. There was nothing like unbelief. Kein Unglauben. On voit ici un moment à Provence, il n'y avait rien de la croyance. Donc il a toujours cru, il avait toujours la foi. The flesh will make you to doubt. If you are even pregnant at all. Aber das Fleisch wird dafür sorgen, dass du anzweifelst, ob du überhaupt schwanger bist. Parce que la chair va te faire douter pour te demander est-ce que tu es capable d'être enceinte? Est-ce que tu es vraiment enceinte? I do not give you enough. You are the period that is coming. We make you to doubt. Are people seeing you? Okay, how many years? I've said this 3 years. 3 years ago that I'm pregnant. I'm not still pregnant. Then you give up. Mm-hmm. You know, remember that woman with goiter? Mm-hmm. 2 years. But he believed. That's how it works in Christ's kingdom. That you no longer see anybody being ashamed of Christ, of confessing it. You are no longer ashamed of it. I don't know if you are. You know, if you are still full of shame, you are not there. Und es kann natürlich passieren, dass du dann zurückblickst und dir denkst, okay, ich habe jetzt schon 3 Jahre immer wieder als Zeugnis gegeben, dass ich schwanger bin und die Leute lachen mich schon aus und machen sich über mich lustig. Und dennoch gibst du nicht auf und bezeugst es weiterhin, weil wir erinnern uns an das Zeugnis mit der Frau, die diesen Tumor an ihrem Hals hat und die immer wieder es gesagt hat, weil sie es einfach geglaubt hat und sich nicht von der Meinung der Menschen hat einschüchtern lassen. Ça peut arriver que tu peux prier pour une grossesse, mais pendant 3 ans, ça n'arrive pas. Mais faut faire confiance au temps de Dieu lui-même et pas de se laisser influencer par les circonstances de ce monde. Vous avez donné dernièrement l'exemple d'une femme qui avait un tumeur dans la gorge. Ça a aussi duré quelques années après la manifestation, mais... Comme on avait dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est pas la réussite, c'est pas la victoire à la fin, mais c'est le chemin, comment obtenir cette victoire. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. And therefore, verse 22, it was imputed to him for righteousness. He believed God. Er hat an Gott geglaubt. Il a cru en Dieu. Verse 21, look at verse 21. He said, and being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. The question is, are you persuaded that you have it already? Die Frage ist, bist du überzeugt? Bist du überzeugt davon, dass du es schon hast? La question est-ce que tu fais vraiment confiance à Dieu? Est-ce que tu es vraiment persuadé que tu as déjà obtenu ces choses qu'il t'a promis? That nothing can talk you out. Dass sie das niemals ausreden kann. Personne peut déstabiliser ta foi. It's like I have this Bible and no one can tell me I don't have it because I have it. Nothing can. There's no how you can tell me I don't have a Bible when I have it. So also you believe it, that this is what it is, that nothing can tell you out. There you are there. Und es muss für dich so real sein, wie ich gerade im Besitz dieser Bibel bin, die vor mir liegt, dass mir das niemand ausreden kann. Niemand kann mich jetzt anrufen und mir aus irgendwo sagen, du hast die Bibel nicht vor dir liegen. Oder niemand von euch könnte mir weismachen, ich habe die Bibel hier nicht vor mir liegen, sondern das ist für mich eine Tatsache, die mir niemand wegnehmen kann. Mm. Und so müssen wir glauben. Donc ça doit être vraiment fait pour nous qu'on a déjà obtenu la promesse que Dieu nous a donnée. Tout comme personne pourra vous dire aujourd'hui que la Bible que vous avez en main, que vous n'avez pas, que personne va t'appeler et te dire non, c'est pas une Bible, ou tu la possèdes pas et tu vas croire. Donc cette croyance, cette foi qu'on a quand on a des choses matérielles entre nos mains, on doit aussi l'avoir quand il s'agit des choses spirituelles que Dieu nous a promis. It is not believing that you are going to be pregnant. It's believe you are already pregnant. Und wir glauben nicht daran, dass wir schwanger werden, sondern wir glauben, dass wir schon schwanger sind. Yes. Tout comme on doit... Okay. Can you keep it, please? Es geht nicht darum, dass du glaubst, dass du schwanger sein wirst, sondern dass du schon schwanger bist, in Jesus' Namen. Donc il s'agit pas de croire que tu vas tomber enceinte, mais de croire que tu es déjà enceinte. No one can do that for you. Niemand kann das für dich tun. That will come from inside. Es muss von innen kommen. Personne peut le faire pour toi. Ça va venir de l'intérieur. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 23, so now it is, it was not, now, okay, sorry, verse 22. And therefore verse 22. It was imputed to him for righteousness. 23 maintenant. Now it was not written for his sake alone that it was imputed to him, but for us also, to whom it shall be imputed, if we believe like Abraham, we get the same result. Wenn wir glauben wie Abraham, kriegen wir die gleichen Ergebnisse. Donc si tu as la, si tu crois comme Abraham, si tu as la même foi, tu vas aussi recevoir les mêmes résultats. If we believe on him that raised up Jesus, our Lord, from the dead. Wenn wir an den glauben, der Jesus Christus, unseren Herrn, aus den Toten erweckt hat, dass er das Werk vollbracht hat. Si on croit vraiment à l'accomplissement de Jésus-Christ et à celui qui a ressuscité notre Seigneur. He said, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Go to Galatians 6. Galatians 6. Galatians 6. Galates 6, versets 7 et 8. 7 et 8. So to the spirit. Sehe in den Geist. And not to the flesh. Und nicht zum Fleisch. Sehe? Mm-hmm. Also, he said, look at it, verse 7 and 8. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Amen. On a praise lu 7 et 8. The Lord. Hallelujah. Donc on a semé pour l'esprit et pas pour la chair. He said you will reap what you sow. Wir werden das sehen, was wir ernten. If you believe Christ, there's harvest. Wenn wir an Christus glauben, wird es eine Ernte geben. Donc si on croit en Jésus-Christ, il y aura une récolte. You got it. Abraham believed. Abraham hat geglaubt. He believed Abraham God. A cru. That there was Dieu. Harvest. Er hat an Gott geglaubt und es gab eine Ernte. Et parce qu'il a cru en Dieu, il a pu récolter. And if you believe Christ, there is always a harvest. Wenn wir an Christus glauben, gibt es immer eine Ernte. Donc si tu Amen. Crois en Jésus-Christ, il y aura toujours une récolte. Romains 2, verset 11. Romains 2, verset 11. Romains 2, 11. Romains 2, 11. He says, for there is no respect of a person with God. If you believe like Abraham, you get the same result. Wenn wir so glauben wie Abraham, kriegen wir die gleichen Ergebnisse. Si on croit comme Abraham, on aura les mêmes résultats. Amen. It's true. You must not be. It's not a pastor. It's not a pastor affair. It's Christ's affair. Und es, das ist nicht eine Sache, die nur für Pastoren gilt, sondern für jeden, der glaubt. Et ça, ça compte pas seulement pour les pasteurs, mais pour chaque enfant de Dieu. You remember, you know, Mark 16, he said, this, he said, what shall follow believers? He said, shall follow believers, and not follow pastors, or preacher, or prophet. Oh, you know, you got it. He said, this sign shall follow believers. Wir lesen auch das in Markus 16, dass diese Zeichen werden den Gläubigen folgen. Nicht diese Zeichen werden den Pastoren und Bischöfen und Papsten folgen. Et dans Matthieu 16, on voit que les miracles accompagneront les croyants, les justes, et pas, il n'est pas écrit seulement les prophètes ou seulement les pasteurs ou quoi que ce soit. That is Mark 16, verse 16. Markus 16. From verse 15. Markus 16. From verse 15. 15. And he said unto them, go ye into the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. But he that believeth not shall be damned. And this sign shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. They're speaking in tongues. In fremden Zungen werden sie sprechen. Mit neuen Sprachen. They shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick and they shall recover. Praise the Lord. Alléluia. Donc Amen. C'était Marc 16, 15 et 16, 16 on a lu. Non, pardon. De 15 jusqu'à la fin du chapitre. Ouais. Praise the Lord. Amen. The finished work of Christ is his 15 à 18. Today. Das fertige Werk von Christus ist sein Prinzip. You believe it, that it is finished. Daran donc, glauben, dass es vollbracht ist. Donc, l'accomplissement de Jésus-Christ est un de ses principes. On doit y croire. Have faith in his finished work. Glauben haben an sein fertiges Werk. Donc on doit avoir foi en son accomplissement. Another principle is meditation. Ein anderes Prinzip ist Meditation. Un autre principe est la méditation. It's a meditate in my word both day and night, so you prosper. That's Joshua 1. Amen. Meditate. It's not meditate on the problem. Meditate in the truth. How he loves you. Amen. That's what you. That should be your meditation. If how Christ, the love of Christ for you, how he loved you, is the only meditation you have, is enough. Wir sollen Tag und Nacht über sein Wort nachsinnen, über sein Wort meditieren. Das lesen wir in Joshua 1, dass wenn wir darüber nachsinnen, wie sehr er uns liebt, das ist schon ein Prinzip des Herrn. Donc on doit méditer jour et nuit en sa parole, dans sa vérité. Ça, c'est un principe de Jésus-Christ. It's just not meditating your problem, how you are going to solve it. Nicht darüber nachsinnen, wie wir unsere Probleme lösen können, sondern über Jesus Christus allein die Lösung nachsinnen. Donc on n'a pas médité sur nos problèmes, mais seulement sur la vérité. On doit se concentrer sur Jésus-Christ. And another is remember the finished work, remember Christ. Ein anderes Prinzip ist sich zu erinnern, Amen. Et un autre principe est de se rappeler de son accomplissement. In everything and everything, learn to remember Christ. In allem sollen wir uns daran erinnern, you take Christus. Any decision, before anything at all, your waking up in the morning should be Remember Christ. Unser Aufstehen. You're going to bed, should be remember unser Einschlafen. Christ. Remember him always. In allem sollen wir Jesus immer wieder uns an ihn erinnern. Donc on doit voir, on doit se rappeler de Jésus-Christ en toutes circonstances. Donc avant d'aller dormir, on doit penser à lui. Quand on se réveille, notre première pensée doit être Jésus-Christ. And I'm not that is so big is learn to be heaven. Learn to see heaven. This one is very big. Lernen den Himmel zu sehen. Lernen den Himmel zu sehen. Amen. Donc et un autre principe est d'apprendre à être déjà dans le royaume des cieux. We are born into a heavenly world. Wir sind geboren in eine himmlische Welt. On a été né dans le royaume des cieux. You know Colossians 3. We have been there several times, but go there again, please. Colossiens 3. Colossians 3. Colossiens 3. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. We are born into a heavenly world. First Peter said we are born into a heavenly world. We are born with incorruptible seed. Then the world we are to see, to combine these two together. In 1. Petrus steht, dass wir aus einem unvergänglichen Samen wiedergeboren sind. Dans 1er Père, il est écrit qu'on est né d'un unvergängliches Samen. On fait rien que ses âmes. No, the two together. That is Colossians 3. Put your hand there, then go to 1 Peter 1. 1 Petrus 1. On va d'abord lire 1 Pierre 1. Verse 22, let me quickly add. Verset 22. It says, since you have purified your soul in obeying the truth. 1 Petrus 1, 22. To be saved. Deine Seele muss errettet sein. Ton âme doit être sauvée. Then in verse 23. He said, be born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Amen. We are born into heavenly world. Wir sind in eine himmlische Welt geboren. On a été né dans un royaume céleste. Et on est d'une sémence immortelle. I love 24 and 25 also. Amen. He said, for all the flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. Yeah. You know, you better allow your focus to be Christ, to be heaven. Lass lieber zu, dass dein Fokus der Himmel ist, Christus ist. Donc, notre concentration doit être notre concentration doit être Jésus-Christ et le ciel. Take your focus away from your body. Nimm deine Augen weg von deinem Körper. Ne te concentre pas sur ton corps. Take your focus away from your situation. Nimm deine Augen weg von deiner Situation. Ni sur ta situation. Meditating on those things can never save you. They are not your savior. Allow your meditation to be on your savior Christ. Finish work of Christ. Über diese Sachen nachzusinnen wird dich nicht retten, sondern hab deinen Fokus auf deinen Retter. Parce que si tu te concentres sur tes problèmes, la solution n'est pas dans ces problèmes. Ton sauveur n'est pas dans ces problèmes. Tu dois te concentrer sur la solution qui est ton sauveur, qui est Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. You are well equipped. Wir sind gut ausgestattet. Tu es bien équipé. You control things and not things controlling you. Wir kontrollieren Dinge und Dinge kontrollieren nicht uns. Donc c'est toi qui contrôle les choses et pas les choses qui te contrôlent. Also including your body. Und das auch unser Körper. Et ton corps aussi. And including what you eat. Was wir essen. Et aussi ce que tu manges. Including what you eat. Amen. He said, I shall eat any deadly thing, shall not harm me. Wir sollen alles Tödliche essen, es wird uns nichts anhaben. Donc même si tu manges quelque chose mortel, ou alors enfin qui est empoisonné, ça va pas te faire du mal. You know, I heard the pastor say that there's nothing God can do about your body. It's a big lie. Yeah. Ich habe mal einen Pastor gehört, der gesagt hat, dass man dass Gott deinen Körper sozusagen nicht verändern kann, dass dein Körper ist dein Körper. Il y a un pasteur qui a dit que Dieu ne peut pas changer ton corps et c'est un mensonge. If you can change your spirit, can change your body. Amen. Wenn er deinen Geist verändert hat, wie viel mehr dein Körper. Parce que si tu crois qu'il peut changer ton esprit, comment, pourquoi le limiter et croire qu'il peut pas changer ton corps? What you need is just see him. See Christ. Du brauchst ihn zu sehen, Christus zu sehen. Ce qu'on a besoin, c'est seulement de voir Jésus-Christ. Take your eyes away from those things. Nimm deine Augen weg von diesen Dingen. Take you away. Weil sie werden dich wegzehren. Donc ne concentre pas sur les choses de ce monde parce que ces choses vont t'écarter du royaume des cieux, de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. What you are proud of? That's what we like sind, grass. Donc les choses qui le rend fier, tu sais, elles sont comparables non pas pelouse, grass. Look at verse 24 here. For all flesh is as grass. 24. Tout homme est pareil à l'herbe. Amen. Amen. What you are proud of? What people are proud of? What they are killing themselves for? What they are starving for? Wofür sie einander abstechen, einander beklauen. All diese Dinge. What you are running on? Just vergänglich. Donc tout ce que le monde veut, tout ce que le monde cherche est vanité. You better allow it to be Christ. Leute haben ihre Konzentration auf diesen Dingen und geben alles, was sie haben, ihr Zeit, ihre Geld, ihre Energie, ihren Körper, damit sie diese Ziele erreichen. Aber habt deinen Fokus lieber auf Christus. Donc tu dois avoir ta concentration sur Jésus Christ parce que ça ne sert à rien de se concentrer sur des projets de ce monde ou alors sur ton propre corps. Tu veux avoir une certaine apparence parce que tout ça est vanité. Will you want to die for what Christ called grass? Willst du für etwas sterben, was Christus vergänglich nennt? Est-ce que tu es prêt à mourir pour quelque chose que Dieu appelle et compare à l'herbe, donc quelque chose qui va être en vain? I'm not beautiful. I'm not this. I'm not who told you that. Ich bin nicht schön. Christ, ich bin nicht genug. Wer hat dir das gesagt? Christus ist deine Schönheit. Amen. In the natural world, yes, your body. But you are no longer of the natural world. If you are now born into Christ's world, you are a citizen of heaven. Wir sind jetzt Bürger des Himmels. Amen. I don't know. Tu es un citoyen du royaume des cieux. Donc, qui te dit que tu n'es pas beau, que tu n'as pas de valeur ou quoi que ce soit? Ta valeur et ta beauté est Jésus-Christ lui-même. You know, Papa said it. He said, we are in the world, but not of the world. You know, people just say, God's children, we say it for fun. It's as if it is fun. We are in the world, but we are after what they are after. Wir sind nicht after their body, their figure, their must be this, they must be that, they must. Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir leben auf dieser Welt. Und oft Kinder Gottes sagen es einfach, als ob das ein Floskel wäre, das gar keine Tiefe, gar keine Bedeutung, gar keine Veränderung mit sich bringt. Und das zeigt sich in den Entscheidungen, in den Werten, in den Dingen, die wir sehen, die Dinge, für die wir uns fertig machen, die Dinge, die wir bewundern. Ne, über unser Aussehen, über unser Können, unsere Fähigkeiten. Donc, on dit, les enfants de Dieu disent souvent que on est dans le monde, on n'est pas de ce monde. Mais souvent on dit sans connaître la vraie signification de cette phrase, sans connaître l'importance de cette phrase, parce que si tu y crois vraiment, tu vas jamais te juger à cause de ton extérieur ou à cause de ta situation quoi que ce soit, parce que normalement tu es conscient que tu es pas de ce monde, donc tout ce qui est dans ce monde est vanité. For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. But the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you. Mm-hmm. Ah, Daddy. You know, praise the Lord. Hallelujah. On a lu 24 et 25 là, de 1 Pierre 1. Then Colossiens 3. Verset 1 à 3. He said, if you then be risen with Christ, seek those things which are above. Seek Christ and not seek your body. It's not about your. It's not about you. It's about Jesus. Suche Christus und nicht deinen Körper. Es geht Christus und nicht dich. Donc cherche Jésus Christ et ne cherche pas ta forme idéale. Ne cherche pas. He said, "We are Christ seated on the right hand of God. Set your affection on things above and not on things on earth. Stop pursuing what they pursue. Stop loving what they love. Stop desiring what they desire." Hör auf, das zu suchen, was sie suchen, auf das zu lieben, was sie lieben. Hör auf, die das zu wünschen, was sie sich wünschen. Schau auf Christus allein, er ist groß. Donc on doit seulement vraiment se concentrer sur Jésus-Christ. On a arrêté de vouloir ce que le monde veut, de valoriser ce que le monde valorise. He said, let your affection be on things above. There's no marriage in heaven. Es gibt keine Ehe im Himmel. Il n'y a pas de mariage dans le royaume des cieux. Praise the Lord. Alleluia. For those that pursue marriage. Für die, die hinter Ehe sind. I must marry. I must have boyfriend. I must have proposal. I must have fiancé. Ich muss einen Verlobten haben. No. I must not have others I have. I must have. Andere haben. Ich muss auch bekommen. He said, let your affection. Set your affection on things above, not on things on earth. I don't know. Donc de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Donc on doit se concentrer seulement sur Jésus-Christ, pas se dire oh non, je dois me marier, je dois avoir des enfants, je vais être fiancé ou quoi que ce soit. Non, ce que tu dois être, c'est en Jésus-Christ et rien d'autre. God, children are never losers. Und Leute, never see yourself as a loser. Amen. Und Leute haben diese Bedürfnisse, haben diese Ziele, weil sie nicht alleine sein wollen. Aber wer hat dir gesagt, dass du alleine bist? Mit Christus bist du niemals alleine und mit Christus bist du auch kein Verlierer. Il faut savoir que en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es jamais perdant et tu n'es jamais seul. If things are not even working for you, praise the Lord. Wenn Dinge nicht funktionieren, because if it is strictly from Him and He wants it for you, no Satan can stop it. Amen. Und wenn die Dinge nicht so funktionieren, dann preis den Herrn, denn für die den Herrn lieben, läuft alles zum Guten. Wenn es halt jetzt nicht ist, dann ist es zu seinem Guten, zu seiner Verherrlichung. Deswegen preise den Herrn für jede Situation. Donc, s'il y a quelque chose dans ta vie qui ne fonctionne pas ou que tu n'as pas encore obtenu, rend gloire à Jésus-Christ, faut louer l'Éternel, parce que si ça vient de Jésus-Christ, hein, une fois que c'est venu de Jésus-Christ, personne ne pourra te l'arracher, même pas le diable, parce que cette victoire est vraiment réellement de Jésus-Christ et pas et tu l'as pas obtenue à travers la chair. Il dit, set your affection on things above. There's no worries in heaven. Es gibt keine Sorgen im Himmel. Il n'y a pas de soucis dans le royaume des cieux. My family have not done this. My family, I'm the first of my mother. I'm the first of my father. So everybody must come to me. Are you the savior? Und wir sollen uns halt why don't you tell them to go to the savior? The savior is to save them. He said, "Come unto me, all you that labor and are heavy laden." Matthew 11. You know, he said, "Come unto." He did not say they should come to you. You made yourself a savior, and you will regret it. Wir sind nicht der Retter der Familie. Du bist nicht der Retter der Familie. Wir machen uns zu den Rettern der Familie und wir werden es bereuen, weil nicht wir sind für diese Menschen gestorben. Jesus Christus ist es. Und deswegen haben wir die Aufgabe, diese Menschen an Christus weiterzugeben, sie an Christus zu verweisen, auf Christus zu verweisen. On doit se rendre compte qu'on n'est pas les sauveurs de nos familles. C'est Jésus-Christ qui est le sauveur de nos familles. Donc, à chaque fois qu'ils viennent vers toi et demandent des conseils ou quoi que ce soit, le seul conseil que tu peux leur donner, c'est Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est mort pour eux, et c'est pas toi. Donc c'est lui qui reste leur sauveur. Et si tu te mets en danger toi-même, si tu essayes de prendre cette position, parce que tu n'es pas capable de porter cette charge. I was carrying the load of the family on my head. Weil ich hatte früher die Last meiner Familie auf meinem Kopf jahrelang. Worry about this, worry about that. Ich habe mir um den Sorgen gemacht, mir um die Person Sorgen gemacht. Aber ich habe alles Christus übergeben. Amen. Il fut un temps où moi je portais toute la charge de ma famille sur ma tête. Donc je me souciais de mon petit frère, de ma sœur ou qui que ce soit. Mais gloire à Dieu, j'ai pu remettre tout ça à Jésus-Christ et là maintenant je me repose dans ses bras. am the first of my mother's children, and I know what it is to be the first. Ich bin auch die älteste von den Kindern meiner Mutter und ich weiß, was bedeutet, die älteste in der Familie zu sein. Je suis aussi la première. Je suis le premier, la première enfant de ma mère, et je sais ce que ça veut dire être l'aîné de la famille. You want to save everybody. You want everybody to be satisfied. You want people to, you want them to be, you want to be there for them. Let them better allow, because that load is too heavy for the flesh to carry. Du willst alle retten. Allow Christ to be the one carrying that load. Du willst alle mitnehmen, du willst alle versorgen, du willst, dass niemand zurückbleibt, aber diese Last ist zu groß für dich. Christus muss diese Last übernehmen, nicht du. Donc, mais faut savoir que cette charge, elle est trop grande pour toi. Faut permettre à Jésus-Christ de prendre soin de ses enfants. Je voulais toujours prendre soin de tout le monde, occuper de tout le monde, mais ce n'est pas possible pour la chair. La chair est faible. C'est pour ça qu'on doit vraiment permettre à Dieu, permettre à ces personnes de venir vers Dieu et pas toujours vers toi. Verset 3. Ils sont morts pour le flesh. Wir sind gestorben für unser Fleisch. Amen. On est mort pour la chair. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. You know, a dead man is no longer. You know, if you bring a dead man here, you know, everybody, if things are happening, everybody will be crying. He will not cry. He is dead to the flesh. He is dead to everything here. Eine Leiche ist tot zu allem, zu jeder Situation, zu jeder. And his worries, he is dead to them. He's dead to them. Ist er tot? Und so sollen wir auch tot sein zu diesen ganzen Situationen, zu diesen ganzen Sorgen. Donc on doit être réellement mort. Donc toutes ces situations, toutes ces circonstances doivent pas nous affecter, parce que par exemple si elle nous donne un exemple, si on est ici dans le culte par exemple et il y a un cadavre parmi nous, si quelque chose arrive, par exemple un incendie ou quoi que ce soit, nous on va se soucier, on va chercher à se sauver parce qu'on est encore en vie, mais la personne qui est morte va pas se soucier. Donc c'est aussi ça, on peut aussi comparer ça avec tous ces problèmes qu'on a dans ce monde, ou alors avec toutes les charges qu'on veut prendre sur nous concernant nos familles ou quoi que ce soit. On doit pas se laisser influencer par ces situations, on doit seulement leur donner Jésus-Christ parce que c'est le seul qui peut les sauver. A dead man will not even think of the past. It's already, you know, the past, the present, what I've done in the past, what happened in the past. Is that your business? Ein toter Mensch wird auch nicht über die Vergangenheit nachdenken. Somebody that is big enough to carry it, I've carried it. Allow him to carry it, don't drag it from him. Jemanden, der größer ist als diese Vergangenheit, der größer ist als alles andere, und wir sollen ihm diese Last nicht wieder wegnehmen, nachdem wir sie ihm abgegeben haben. Wir sollen ihm vertrauen. Tout comme on n'a pas se soucier de notre passé. Parce que une personne qui est morte va pas se soucier de son passé comme elle est déjà morte. Donc et si on se fait trop de soucis, si on y pense trop, on laisse pas cette charge à Jésus-Christ, on essaie de reprendre cette charge de lui, alors que c'est lui qui est la solution à tout. A dead man will not be worried about the present or the future. Wird sich keine Sorgen machen über die Vergangenheit oder die Zukunft. Das ist vorbei. Wir sind tot für alles. Und leben allein für Christus. Amen. On doit vivre pour Jésus-Christ et on est mort pour tout. Donc, et si on est vraiment réellement mort pour tout, on va pas se soucier de notre présent ou de notre futur, parce que notre présent et notre futur, c'est Jésus-Christ. It's for you are dead and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is your life? Praise the Lord. Alleluia. Who is your life? Wer ist dein Leben? Qui est ta vie? If somebody is to be ashamed, it should be Jesus Christ. Wenn sich jemand schämen muss, dann Jesus, nicht du. Parce que si quelqu'un doit avoir honte de cette vie, c'est Jésus-Christ et pas toi. Remember, he said we have to be like Sariah before we can even get there. Erinnert euch, er sagt, wir sollen wie Sariah sein, bevor wir überhaupt in das Königreich eingehen können. Amen. Donc, rappelez-vous, on doit être comme un petit enfant devant Dieu afin d'accéder au royaume des cieux. Amen. Amen. We have to be like that little child that is not worried about anything. Kleines Kind, was schon nicht Sorgen macht. No fear. Und dann kann man ein petit enfant, this, you have this, you have that, you have the past, you have the present. There's nothing to worry about. Ein Kind, was sorglos ist. On doit se soucier de rien. On est comme des petits enfants qui ont seulement soucié quand ils sont pas dans la présence de leur père ou de leur mère. Learn to see heaven. lernt den Himmel zu sehen. Apprenez à voir le royaume des cieux. That is one of Christ's principles. Das sind einer der Prinzipien von Christus. C'est un des principes de Dieu. We Jesus are born Christ. Into a heavenly world. Wir sind geboren in eine himmlische Welt. On a été né dans un royaume céleste. In everything, remember heaven, where you belong. In allem sollen wir uns an den Himmel erinnern, wo wir gehören. Donc, en chaque circonstance, on doit se rappeler du ciel. You know, Ephesians 2, verse 6. Let's go to Ephesians. Ephesians 2, verse 6. Praise the Lord. Alleluia. Since we are beginning to start now. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Ephesians 2, verse 6. Ephesians 2, verse 6. He said, and have raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. You know, to be in heaven does not mean after death. You live in heaven from here. Im you Himmel zu leben fängt nicht an, wenn wir sterben. Es fängt hier an, mit der Entscheidung für Christus zu leben. Amen. Donc, vivre dans le royaume des cieux ne commence pas après la mort, mais déjà maintenant, si on vit dans la présence de Jésus-Christ. The Bible said you are seated with Christ in heaven. And we know some cannot believe it. That is sad. They cannot even believe that their spirit is Christ. Und deswegen, ein paar Leute sind wiedergeboren, aber sie können nicht glauben, dass ihr Geist Christus ist. C'est pour ça, certaines personnes sont nées de nouveau, mais ils arrivent pas, ils ont des difficultés à croire que leur esprit est Jésus-Christ. Look at from verse 18. Verset 18. From verse 18. 18. From Ephesians. From verse 18 of Ephesians 2. Ephesians 2, 18. Ephesians 2, de 18 à la fin. Praise the Lord. Alleluia. He said, for through him, we both have access by one spirit unto the Father. Verse 19. Now, 19. Therefore, ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Mm-hmm. I don't know if somebody's getting it. That's not earthly world. Das ist keine irdische Welt, sondern eine himmlische Welt. Amen. Là, on ne parle pas de ce monde, mais là, on parle du royaume des cieux. Et il parle de qu'on est des citoyens et pas des membres. Und er sagt Mitbürger und nicht Mitglieder, weil es im Königreich Gottes keine Mitglieder sind, sondern nur Mitbürger. Amen. Amen. Now therefore, verse 19 again. Verset 19, encore une fois. Now therefore, you are no more strangers, are foreigners, but citizens, fellow citizens, with the saints and of the household of God. And you are built upon the foundation of the apostle. And the prophet, Jesus Christ himself, being the chief cornerstone. Jesus Christ is the root. He is the Wurzel, er ist der Eckstein, er ist die Säule. Jésus Christ est notre source, et la pierre principale. Our value, our desire, the cornerstone. Er ist der Eckstein, unser Fokus, unser Wunsch. La pierre principale. The chief cornerstone. You see it there. Der oberste Eckstein. Amen. 21. In whom are the 21. Beauty? Filthily framed together, proved unto an holy temple in the Lord, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. In whom you are builded, in whom you are framed, in Christ Jesus. In Christ Jesus is everything. In Christus Jesus ist alles. In ihm sind wir miterbaut. Amen. Tout est en Jésus Christ. Then why should you be ashamed of anything? Weshalb sollten wir uns dann schämen wegen etwas? It is all about Jesus Christ. Wenn es doch nur um Jesus Christus geht. Donc si vraiment tout demeure en Jésus Christ, tout demeure en Dieu. Do you know why you are ashamed? Because pourquoi, you see yourself. De quoi dois-tu avoir honte? Wisst ihr, weshalb ihr euch schämt? Weil ihr euch selbst seht. Tu as honte parce que tu vois ta ton corps, tu vois ta propre personne. You know why you are confused? Because you see yourself. Tu veux savoir verwirrt sein, weil ihr euch selbst sieht. Tu es perturbé parce que tu te vois toi-même et tu vois pas Jésus. You know why you are frustrated? You are depressed because you see yourself. Weshalb ihr frustriert seid und depressiv seid, weil ihr euch selbst seht und nicht Christus. Weshalb siehst du nicht auf Christus? Tu es en dépression ou alors tu te soucies parce que tu te vois toi-même et tu vois pas Jésus-Christ. Again, to be in heaven starts from here and not after you die. Im Himmel zu sein fängt von hier an, nicht erst nach dem Tod. Donc vivre au royaume des cieux, ça commence ici et pas seulement après ta mort. You better learn how to live there. Wir lernen lieber in der himmlischen Welt zu leben. On doit apprendre à vivre là-bas. That is where you are secured. Da sind wir gesichert. Et c'est là qu'on a notre sécurité. That is where Satan cannot steal your joy, your peace. Dort kann der Satan deine Freude, dein Frieden stehlen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. That is where nothing can steal your joy, your peace. Dort kann nicht sein Frieden, deine Freude stehlen. Parce que dans le royaume des cieux, dans les mains de Jésus-Christ, personne peut voler ta paix, personne peut voler ta joie. Apprends à y vivre. Amen. 1 Pierre 1. Allow it to be Christ alone. Lass zu, dass es Christus alleine ist. Give the family to Christ. Übergebe deine Familie. Remets ta famille à Jésus-Christ. Permets que Jésus-Christ soit la tête de ta famille. My father tried to carry my father. He was just carrying all the load on his head. It did not last. You know that load is just too heavy. Mein irdischer Vater. No flesh can carry it. It's impossible. Hat auch versucht, diese ganze Last zu tragen, und er ist darunter. Er wurde zerquetscht unter dieser Last. Er ist frühzeitig gestorben. Mon père, par exemple, aussi, il a essayé de porter toute la charge sur ses épaules, et c'est pour ça qu'il a pas vécu longtemps. Ce n'est pas possible pour un être humain de porter toute la charge d'une famille. C'est Dieu qui doit être la tête de la famille. Our world is heavenly world. Unsere Welt ist eine himmlische Welt. Notre monde est un monde céleste. And you choose to live there. Und wir entscheiden dort zu leben. Et tu choisis d'y vivre. You remember to live there. Wir erinnern uns daran, dass wir dort leben. Tu dois te rappeler que tu es un membre de cette vie. Wir entscheiden einfach. Donc vraiment, tu dois prendre cette décision d'y vivre. Et comment tu le fais? C'est en te rappelant de Jésus-Christ. Indem wir uns an Christus erinnern, lernen wir dort zu leben. Remember the finished work of Christ for you. Erinnere dich an das fertige Werk von Jesus Christus für dich. Rappelle-toi à l'accomplissement de Jésus-Christ pour toi. He said he came to deliver you from this present evil world. Er sagt, er he ist gekommen, this world evil world. Um uns von dieser gegenwärtigen bösen Weltzeit zu erretten. Er nennt diese Welt bösartig. Jésus-Christ lui-même appelle ce monde mauvais et il est venu pour nous libérer de ce monde mauvais. Get out of the evil world. Geh raus aus dieser bösartigen Welt. Du wurdest daraus gerettet. That place does not belong to you. Dieser Ort gehört dir nicht mehr. Don't stop seeing what they see. Hör auf, das zu sehen, was sie sehen. Donc, that's what Satan we want. Libère-toi de ce monde. Tu n'appartiens plus à ce monde. See, concentre-toi what sur Jésus-Christ. Concentre-toi sur ce que tu vois, sur ce que tu as, et ça, c'est Jésus-Christ. Das ist das, was der Satan möchte, nämlich. Amen. Amen. Verses 3 and 4. Versets 3 et 4. It's a blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Praise the Lord. Hallelujah. He said again. Amen. Then in verse 4. Verse 4. To an inheritance. 4. Incorruptible and undefiled. Look at these three. An inheritance. Erbe, ein Heritage, unvergänglich, and undefiled, und unbefleckt, and that fadeth not away, und unverwelklich, reserved in heaven for you. Amen. Things are reserved in heaven for you. Car il prépare pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Amen. You cannot find joy if you are here. Dinge sind im Himmel für dich reserviert. Du kannst Freude nicht finden, wenn du immer noch von der Welt bist. Donc tu peux pas trouver la joie dans ce monde. You can only find joy in heaven. Du kannst Freude nur im Himmel finden. Tu peux seulement trouver la joie dans le royaume des cieux. How? Remember the finished work of Christ. Wie, indem du dich an das fertige Werk von Christus erinnerst für dich, wie sehr er dich liebt. Et ça, tu le fais quand tu te rappelles de l'accomplissement de Jésus-Christ et de l'amour que Jésus-Christ qu'il a envers toi. So also is peace. You cannot find it here on earth. Genau wie Frieden. Hier auf Erden findest du keinen Frieden. Jesus said it in Revelation 12. Tout comme tu ne trouves pas de paix dans ce monde. Revelation 12. Let us go there because of a reminder. Amen. Revelation 12. It says, woe unto you. Apocalypse 12. That belong to the earth. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 12. Offenbarung 12. Therefore rejoice, you heavens, and you that dwell in them. Verset 12. Praise the Lord. Offenbarung 12, Vers 12. How to live in heaven is very easy. Remember Jesus. Wir leben im Himmel, indem wir uns an Jesus erinnern. Donc tu vis dans les royaumes des cieux quand tu te rappelles de Jésus-Christ. Dann leben wir schon dort. You know, it's not like you know, Buddha. Is it Buddha or that man with big tummy? Then you know they cross their leg and do like this. They want to go to another world. That's you are going to go to another world. That's satanic world. Und es geht nicht darum, spiritual world, but it's satanic world. How to live the heavenly world of Christ is remember the finished work of Christ, the cross. Wir leben in der himmlischen Welt, indem wir uns an das fertige Werk von Jesus Christus erinnern, wie er für uns bezahlt hat am Kreuz. Nicht indem wir uns im Schneidersitz hinsetzen, uns Räucherstäbchen anmachen und meditieren. Erleuchtung oder irgendwas suchen, weil wir dort nur den Teufel finden werden und nicht den wahrhaftigen Donc, Christus. C'est comme ça qu'on vit dans le royaume des cieux. On doit se concentrer sur l'accomplissement de Jésus-Christ et c'est pas en le cherchant dans d'autres religions ou alors dans essayer d'accéder à certaines dimensions spirituelles. Tu vas peut-être accéder à ces dimensions spirituelles, mais il faut savoir que la personne que tu vas rencontrer là-bas, c'est le diable et pas Jésus-Christ lui-même. Jesus is saying, he says, therefore rejoice, you heaven. It's not talk, you know, the where they go to, you know, those people, the religion, you know, they cross their leg, they are meditating on things, they are, you know, their world, where they go to is not heavenly world. It's not what Jesus is talking about. Heavenly world belongs to Christ. Die himmlische Welt. Bezieht sich nur allein auf Jesus Christus. Unabhängig von Jesus Christus gibt es keine himmlische Welt. Die Orte oder Sphären, die sich diese Leute befinden, die durch andere Geister versuchen, dieser irdischen Welt zu entkommen, das sind satanische Welten, satanische Bereiche, in denen man sich öffnet für Dämonen. Und diese Dämonen werden in einem Wohnung haben. Donc, quand on parle du Royaume des Cieux, on parle automatiquement de Jésus-Christ. Parce que sans Jésus-Christ, ces différents royaumes, ces différentes dimensions ne sont pas de lui. Donc automatiquement, elles sont diaboliques. Praise the Lord. Alléluia. Rejoice therefore, you heavens, and you that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath. Because he knew that he had but a short time. Praise the Lord. You know, that very place is warning us to stop living here. Diese Stelle warnt uns, aufzuhören, hier auf Erden zu leben. Donc, ce verset nous rappelle de cesser à vivre dans ce monde, parce qu'on est des habitants du royaume du ciel. Amen. Et c'est là qu'on trouvera notre paix, notre joie. Your joy, your peace, your victory, your long life, they are reserved for you in heaven. Amen. Unser Frieden, unsere Freude, unser langes Leben ist alles zurückgelegt im Himmel für uns. Donc, encore une fois, notre paix, notre joie, notre longévité. longévité, tout ça se trouve dans le royaume des cieux et pas dans ce monde. They are there waiting for you. Alles wartet dort. Tout ça nous attend dans le royaume des cieux. You know a place called there for you. It's heavenly world, Christ's world. Dieses Ziel ist Jesus Christus, ist die himmlische Welt, seine Welt. Donc notre but c'est Jésus Christ et ce monde, le royaume des cieux. If I compare it to that of Elijah the Tishbite, you know, after speaking to the king, then the Lord said, go to Brook Cherry and live there. You know, that is the bird is not going to feed you there in the palace. He's going to feed you in the Brook Cherry, where let me call it heavenly world. You live there. You live in heavenly world. That's where you belong. And that is where all your victory is. You learn how to live there. The citizen of heaven. Genauso wie bei Elijah, der weg vom Palast sollte und zum Bachrit gehen sollte und glauben sollte, dass seine Versorgung in der Wüste ist und nicht in diesem Palast. Genauso müssen wir auch glauben, dass unsere Versorgung halt in der himmlischen Welt ist und nicht in der irdischen Welt. Tout comme Élisée a cru quand Dieu lui a dit de partir vers la rivière où les oiseaux vont prendre soin de lui. Nous aussi, on doit croire que notre salut se trouve dans le royaume des cieux et pas dans ce monde. On doit vraiment faire confiance à Dieu. To go to heaven, to be in heaven is not by killing yourself. Und in den Himmel zu gehen, das macht man nicht, indem man sich das Leben nimmt. Weil wenn man sich das Leben nimmt, gibt man die Hölle. Donc, pour accéder au royaume des cieux, ça ne veut pas dire que tu dois te suicider ou quoi que ce soit. Parce que si tu te suicides, tu vas automatiquement en enfer. You say it's a child of God, but you say somebody commits suicide. I would doubt if you are really a child of God. That life does not belong to you, it belongs to Christ. Gottes Christ, weil wer glaubt, dass er ein Kind Gottes ist, glaubt, dass sein Leben nicht mehr in seiner Autorität und nicht mehr in seiner Hand liegt. Und dass sein Leben das Leben von Jesus Christus ist. It's not your property. Es ist nicht dein Besitz. Aber wenn du es dir nimmst, bezeugst du damit, dass dein Leben dir gehört. Und dann musst du dafür selbst vor Gott stehen. Und das heißt, du bist nicht wiedergeboren. Amen. Donc, parce que si tu es vraiment réellement un enfant de Dieu, tu peux pas te suicider. Parce que être un enfant de Dieu veut dire que ta vie ne t'appartient plus, qu'elle appartient à Jésus Christ. Et si toi-même tu mets fin à cette vie, ça veut dire que tu n'as pas accepté que Jésus-Christ est ta vie, donc automatiquement tu n'es pas un enfant de Dieu et toi-même tu dois te justifier devant Dieu lui-même. If you are here, you will be sad. Wenn wir von hier sind, werden wir traurig sein. Donc parce que si tu es de ce monde, tu seras attristé automatiquement. If you are earthly, you will not have peace. Wenn wir irdisch sind, werden wir keinen Frieden haben. Wir werden voll von Sorgen sein. Si tu es concentré sur ce monde, tu seras rempli de soucis. You know, how people see you, how they look you, what they say will be a problem to you. Das, was Leute sagen, wie die Leute dich sehen, wird ein Problem sein für dich. La manière dont les gens te voient, ce qu'ils te disent, va être un problème pour toi. John 17:16-23. Go there, please. Jean 17. De 16 à 23. Look at verse 16. He said, they are not of the world, even as I am not of the world. You don't belong here. Where you belong is heaven. And how to live there is remind yourself of Christ. Of who you are in the Lord. Are you getting it? Wir erinnern uns daran, dass wir wer wir sind im Herrn, dass wir zum Herrn gehören und nicht uns selbst gehören. Donc on doit se rappeler qu'on appartient à Jésus-Christ et c'est comme ça que tu te rappelles que tu es déjà un citoyen du royaume des cieux. Verset 17. Through your truth, your word is truth. Then verse 18. As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world. You know, Jesus was sent here. Jesus wurde hier hingesandt. And we know how he lived. Wir wissen, wie gelebt hat. And he himself said he sent us. Und hat uns gesandt. We know how he lived. And we have to live that life. Und wir wissen, wie gelebt hat, und wir sollen dieses Leben führen. Jésus-Christ a été envoyé, et c'est maintenant lui qui nous envoie, et on doit vivre comme lui. Il a vécu ici dans ce monde. He came here. He taught us how to live heavenly life. Er kam hierhin und hat uns gezeigt, wie wir ein himmlisches Leben führen. Il est venu ici pour nous montrer comment vivre sur terre une vie céleste. Verset 19. Die Wahrheit trennt uns von ihnen. C'est la vérité qui nous sépare de d'eux. It's your chosen Christ that will separate you. That is what it should separate you from them. Weil wir Christus wählen, unterscheidet das uns von der Welt. That's what he's saying. Oder entscheidet uns das von Menschen, die Christus nicht wählen, obwohl sie Christus haben. La différence entre nous et les gens qui n'ont pas Jésus-Christ, c'est la vérité. Praise the Lord. Alléluia. And they also may be sanctified through your truth. Through the truth. The truth separates us from them. Die Wahrheit trennt uns von ihnen. La vérité nous sépare de. Then he said, neither pray I for these alone, but for them also who shall believe on me through their words. Amen. You know, people will say, okay, it's the disciple. Jesus is saying, he's no respecter of any person. Jesus sagt hier ganz klar, er bevorzugt hier keine Menschen. Das, was er sagt, geht nicht nur für die Jünger, die da gerade vor ihm saßen. Das geht für alle, die an ihn glauben. Dans verset 20, on peut voir que Jésus n'a pas favorisé ses apôtres, parce que ce qu'il dit est valable pour chaque enfant de Dieu. He want us to be one. Er möchte, dass wir eins sind. Amen. Il veut qu'on soit unis. He did not say when we have car, we have children, we have money, we have. That is how the world will know us. Look at how he said the world they are going to know us. Guck euch an, wie die Welt erkennen wird, dass wir zu ihm gehören. That they all may be one, as thou, Father, are in me, and I in thee. That they also may be one in us. That the world may believe that thou hast sent me. Verse 22. And the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one. I in them, and thou in me, that they may be made 23. Perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them, as thou hast loved me. Father, praise the Lord. Alléluia. Let me leave there. Amen. Amen. Amen. Donc c'est comme ça que Dieu a dit comment le monde va nous reconnaître en étant unis, en étant un entre frères et sœurs et un en lui. He said the world to see how we are one. Die Welt muss sehen, wie wir eins sind. And not divided in Christ. Und nicht wie wir getrennt sind. Encore une fois, le monde doit voir comment on est unis en Jésus-Christ et pas séparé en lui. You know, if you are fighting, if you know the world, the natural family, they are seeing you. Die especially if you are 2-3 in a ministry, they see the ministry, they see you, they are watching. Are you one? Are you united? Is it all about Christ? You know, they see you, they know that you are not united, you are not even one, you are divided. Look at what Jesus is saying here. Und they know. Die Welt sieht, ob wir eins sind, besonders wenn in einer Familie mehrere Leute in einer Gemeinde sind und der Rest der Familie they call themselves God's children. Werden sie sehen, werden sie beobachten und schauen, ob inwiefern sich eure Beziehung, die ihr ja bezeugt, dass ihr Kinder Gottes seid, sich unterscheidet von ihrer Beziehung, die sie mit den anderen haben, die eben nicht an Jesus Christus glauben. Mhm. Donc le monde nous juge et par exemple si ici dans une église deux ou trois membres d'une famille sont dans l'église les gens qui ne sont pas en Jésus-Christ vont voir la relation. Ils vont voir si vous êtes unis en Jésus-Christ ou si vous avez des malentendus entre vous. You know, they are seeing how you are fighting one another in the church. Wenn sie sehen, wie ihr einander bekämpft in der Gemeinde, werden sie nicht kommen. You are praying, let them come, and you keep on fighting one another. Aber wir beten dafür, dass sie zu Christus kommen, aber wir bekämpfen uns in Christus. Si vous vous combattez entre vous, comment les gens de votre famille vont pouvoir vous suivre dans l'église si vous leur donnez un mauvais exemple? Wir wundern uns dann, dass Leute nicht an Christus glauben wollen. Après, vous vous étonnez que ces gens ne viennent pas vers Jésus-Christ. Don't want mosquito to come in. You lock the door, you open the window. Und es ist so, als bildlich gesehen könnte man sagen, man will nicht, dass eine Fliege ins Haus kommt, deswegen verschließt man alle Türen, aber man lässt alle Fenster auf. C'est comme si tu veux pas que les moustiques entrent dans ta chambre, tu fermes la porte, mais tu laisses la fenêtre ouverte. Praise the Lord. Alleluia. The world they are seeing how we are one in Christ. Die Welt sieht, wie wir eins sind in Christus. Le monde voit si on est unis en Jésus-Christ ou pas. And that is what they are to see, how we are one. Und das müssen sie sehen, wie wir eins sind. And not how we fight one another. Und nicht, wie wir einander bekämpfen. Donc ils doivent voir qu'on est unis et pas qu'on s'en combat. They listen to what you say about one another. Die Welt hört zu, was wir übereinander sagen. I thought they are one. Wie wir übereinander sprechen. Le monde entend la manière dont on parle de nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Unity in Christ. Einheit in Christus. Donc unité en Jésus-Christ. And not in evil. Nicht im Bösen. Et pas dans le mauvais. That's how the Lord wanted his house to be. How he, you know, he don't explain it yet. So will the Herr das sein Haus? How he wants. But it's a pity. C'est comme ça que ce monde if you can see that in any church today. Can you see how he was saying, repeating it, be one in me. As I am in you, myself and my father, we are one. You and me be one. You and your brothers be one. In me, he's not repeating it and repeating it. Er wiederholt es und wiederholt es, dass wir eins sein sollen in Christus, aber können wir das? Donc Dieu le répète à plusieurs reprises que comme lui et le Père, donc Jésus-Christ le répète à plusieurs reprises, comme Jésus-Christ est un avec Jésus-Christ, nous on doit être un avec lui, tout comme nous on doit être un avec nos frères et sœurs. Et l'a répété à plusieurs reprises parce que c'est ça, c'est la manière dont laquelle le monde va reconnaître les vrais enfants de Dieu. Mais malheureusement, partout dans ce monde, on voit que les enfants de Dieu se combattent l'un et l'autre. How to live in heaven is to remind yourself of heaven. Wir leben im Himmel, indem wir uns an den Himmel erinnern. On vit au royaume des cieux quand on se rappelle du royaume des cieux. There's no black or white in heaven. Im Himmel gibt es kein Schwarz oder Weiß. No marriage, no black and white. Mm. You know, except, there's no marriage in heaven. There's no color. You know, the spirit. There's no black spirit, white spirit. Spirit is spirit. Il n'y a pas de mariage au royaume des cieux. Il n'y a pas de couleur au royaume des cieux. Esprit est esprit. Il n'y a pas d'esprit blanc ou d'esprit noir ou esprit masculin ou féminin. Esprit est esprit. How to live in heaven? Remember how Christ loves you. Wir leben im Himmel, indem wir uns daran erinnern, wie sehr Christus uns liebt. On vit dans le royaume des cieux quand on se rappelle de l'amour de Dieu qu'il a envers nous. If no one loves you, he said he loves you. Wenn niemand dich liebt, Jesus hat gesagt, er liebt dich. Amen. Si personne t'aime dans ce monde, rappelle-toi que Jésus-Christ a dit qu'il t'aime. Praise the Lord. Alléluia. We know what the earthly people see. They see color. Wir wissen, was die irdischen Menschen sehen. Your wings. Sie sehen deine. They see last year you were slim. This year you are so fat. You know, they see so many things. They see, you know, when you live that life, when you live, you cannot please anybody. You cannot please everybody. When you live that life, that you know what they see you are clap for you, or you live the life that Jesus say, I see it. Thank you, my son. Lebst du das Leben für diese Welt oder für Christus? Wirst du dich von ihren Meinungen herumscheuchen lassen, von ihren Meinungen verändern lassen, von ihren Meinungen brechen lassen? Oder wirst du auf die Meinung von Jesus Christus zählen? Please learn to speak to things. Okay. Tu dois vraiment te concentrer sur le royaume des cieux, sur Jésus-Christ. Mm-hmm. Ne te laisse pas influencer par l'opinion de ce monde. Tu as pris du poids ou tu as perdu du poids ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est ça qui définit ton identité? Praise the Lord. Hallelujah. Stop seeing what they see. Hör auf das zu sehen, was die Welt sieht. Arrête de voir ce que le monde voit. See what Christ wants you to see. Hör auf das, was Christus möchte. Tu dois voir ce que Dieu Stop veut seeing que tu what vois. Satan wants you to see. Hör auf das zu sehen, was der Satan möchte, dass du siehst. Ne permets pas au diable de te laisser voir ce qu'il veut que If tu you go to the mirror, see vois. Jesus Christ. I don't say any other thing. In den Spiegel schaust, sieh Jesus, nicht andere. Donc quand tu regardes dans le miroir, tu dois voir Jésus-Christ. If you look at the mirror, just look at it and say, see who Jesus so much loved. Wenn du in den Spiegel schaust, denk darüber nach, dass die Person, die hier reinschaut, wird von Jesus Christus geliebt. Donc quand tu vois ton reflet dans le miroir, tu dois te dire que cette personne que tu vois est une personne que Jésus-Christ aime. Yes, what Satan wants you to see. Es gibt etwas, was der Satan möchte, dass du siehst. Parce que le diable veut que tu vois une certaine chose. He wants you to see the flesh. Er möchte, dass du das Fleisch siehst. Il veut que tu vois la chair. But you see Christ. Aber du siehst Christus. Mais toi, tu vois Jésus-Christ. Amen. Amen. Anytime you look at your mirror, don't look at it and say, thank you, Jesus. Wenn du deinen Spiegel siehst, in den Spiegel schaust, sollst du dem Herrn danken. Donc quand Mit tu Freude. Vois, quand tu regardes dans un miroir, tu dois remercier Dieu et tu dois parce que tu vois Jésus-Christ. You know, our beauty is forever. Denn unsere Schönheit ist für immer. Parce que notre beauté est pour toujours. Christ is our beauty. Weil Christus unsere parce Schönheit Jésus-Christ ist. Amen. Beauté, The Bible amen. Said your beauty is like grass. Die Bibel sagt, ihre Schönheit ist wie Gras, ist vergänglich. Und das möchte ich nicht. Praise the Lord. Alléluia, parce que la Bible nous dit que leur beauté est comparable à l'herbe. Donc leur beauté est vanité. Et ça, je ne veux pas pour nous. Praise on va the continuer. Lord. Mercredi, on va continuer.